Bienvenue dans cette salle. Pour la satisfaction de tous, nous voudrions vous rappeler les règles suivantes. Défense de parler. De fumer. De jeter des ordures. De manger de la viande rouge. De choisir sa religion. Et n'oubliez pas, tous les mariages doivent avoir l'approbation du ministère de la Santé. Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Hitler, les filles et les fils de l'Écosse sont aujourd'hui debout. Les moutons ont passé la porte. Ils sont bons pour l'abattoir. J'ai l'impression de couler de plus en plus vite dans des sables mouvants. Je vois tout le monde autour qui meurt. Leur agonie est longue et cruelle. Bon spectacle. Allez, donc bienvenue dans notre nouvel épisode de Podcorn. Ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas enregistré. Là, on a un bon matos. Et merci devrait... la grève des trains. Oui, aussi. Et ça devrait être beaucoup mieux que la dernière fois, qui était vraiment très mauvaise. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler non pas des films musicaux, mais familiaux. On a tous changé d'avis. Et en plus, on a rechangé d'avis dans le changement d'avis après, donc c'est compliqué. Mais voilà, on va parler de films familiaux. Donc aujourd'hui, il y a Walid. Bonjour. Émilie. Bonne année. Ah oui, bonne bonjour. Année, et bonne année aussi. Héloïse. Bonjour à tous, et bonne année aussi. Hein. Et Raphaël. Et bonjour. Ah putain, ça y est, il va encore se faire payer, lui. Apparemment, bonne année aussi. Oui, c'est bon, on est juste mi-février, c'est pas grave. Bah, c'est toujours mieux que jamais. C'est vrai. C'était dur à dire, ça. Vieux motard que jamais. Non, mais c'est parce que d'habitude, je la fais version vieux motard que jamais. Moi, je connaissais vieux que tard que jamais. Bon, enfin... Ah oui, il y a de l'idée. Enfin bref, bonne année. Voilà, voilà, hein. Bonne année à tous. Et donc, on va parler de films familiaux. Et qu'est-ce que vous définiriez, vous, comment vous définiriez un film familial qui, vous a, qui a marqué votre enfance, mais voilà. Bah, c'est le film qui, qu'on voit... Qu'on la cassette qu'on a déglinguée. Voilà. Mais moi, le film que j'ai pas la cassette que j'ai déglinguée, c'est un film que j'aimais quand j'étais petit et on va voir que ça... Ça peut changer. Ça peut très très très bien changer. Ok, quelqu'un a une autre définition, mais la cassette qu'on a déglinguée, moi j'aime bien. Ouais, ça me fait plutôt penser à une catégorie de films typiques des années 80-90 que j'ai l'impression qu'on retrouve plus forcément de nos jours. Au cinéma. Des films avec justement où ça parle de famille, où ça parle d'enfants vedettes, comme on voit plus maintenant, on parle de grosses productions en plus. Quoi. Moi, c'est bien aussi parce que t'as grandi dans les années 80, donc les films familiaux que tu voyais petit, c'était ceux-là. Oui, mais est-ce qu'il y a encore des films familiaux équivalents? Je sais pas, je pensais, j'ai pas l'impression. Des films fait. Comme SOS Fantôme ou Gremlins, par exemple, qui soient familiaux, ouais. Mais un peu fantastiques. Ouais. Ou il y avait une certaine, panier, si on peut dire, loufoquerie à l'époque qu'on n'a plus forcément maintenant. C'est soit trop sérieux, soit trop con, en fait. Ouais, c'est vrai. Bah, on a un peu. Il y a eu, il y a quelques temps, Super 8 qui était un peu c'est, dans c'était le feeling, un revival. Dans le feeling des Goonies, un petit peu. Bah voilà, on parle exactement de ça, mais. Voilà, mais. C'était très inspiré. À part celui-là. Il y a la série Stranger Things. C'est ça, ouais. Voilà. J'ai jamais regardé, mon oncle. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plus spontané, en fait. On cherchait pas trop. Enfin, si, il y avait du scénario, mais c'était, il y avait quelque chose de c'était plus spontané. C'était un concept, hein, il y avait une veine, de ce film autour des enfants héros. Ouais, même sans forcément enfants héros. Un film qu'on peut regarder en famille et prendre tous du plaisir à regarder. Quelque chose qui paraît plus simple, en fait. Qui paraissait plus simple à l'époque et que maintenant, comme ils veulent peut-être trop en faire... Il y a des codes, il y a des interdictions. Enfin, c'est plus restrictif maintenant, oui, c'est ça. Faut peut-être plus attention aux enfants maintenant. On les prend encore plus débiles qu'avant qu'ils comprennent rien, c'est ça? Peut-être. Mais oui, parce que maintenant faut regarder les gens, je voulais qu'il y ait une réalité. Ouais. Non, pas forcément. Non, mais... Bah, y a moins de films qu'avant. Il y a moins de séries que tu regardes en rentrant de l'école. Quoi. C'est vrai, les trucs en rentrant de l'école, ça pique un peu. Oui, c'est vrai qu'il y a plus... La qualité aussi, les dessins animés. T'as vu les reboots, genre de Scooby-Doo, des trucs qu'on regardait comme étaient dégueulasses. Scooby-Doo, ça passe. Oh, c'est moche, quoi. C'est très... Ah oui, par contre, ils ont tous le même design. Les Scooby-Doo, la Hanna-Barbera et tout, ils ont exactement les mêmes designs que Family Guy, là, les trucs de Seth MacFarlane. Mais bon, sinon, ça se regarde. C'est pas les pires, on va dire. Ça a baissé, quoi. Moi, je préfère les originaux. Oui, ça a baissé en qualité. Oui, c'est pareil. Puis même, à l'époque, c'était instructif. Il y avait le bus magique, ça apprenait des choses. Il était une fois la vie aussi. Oui, c'est vrai. Je crois que Scooby-Doo, c'est instructif. J'ai eu 2 secondes de frayeur. Oui, il était une fois la vie, c'était vraiment... Chevalier du Zodiac. On apprenait quelque chose. Mais vous connaissez ces signes? J'ai appris l'astrologie. Moi aussi, j'ai coché. La mythologie grecque, moi, ça m'a vachement inspiré. Quelle survivance a appris quelque chose? Oui. Bah, il repasse Nicky Larson là par contre. Bah, oui. ça apprend des choses, mais pas pour les enfants. C'est ça, ça parle au moins de 10 ans. Oui. Ouais. Mais ils ont peut-être. Il est diffusé plus entier qu'avant parce que TF1 il tronçonnait bien. Hein, oui. C'était quand même hardcore hein, avant. Nicky Larson, non. Oh. Ken, oui. Ken, oui. Bah, si tronçonnait tous les parties gore de Ken, il restait 3 minutes. Bon, bref, ok. Allez, c'est une autre époque. Bon, bah, c'était Podcorn, merci, au mois prochain. Merci, à la semaine prochaine. Non, non, donc on va attaquer avec Walid, du coup, oui. Qui va nous parler de son film qui apparemment n'était pas aussi bien que dans ses souvenirs. Non, c'était pas bien que dans ses souvenirs. Je vais vous parler de Chérie, j'ai rétréci les gosses. En canadien, Chérie, j'ai réduit les enfants. sorti en 90 de Joe Dustin. Joe Dustin, oui, désolé. Celui qui a fait Jumanji. Jurassic Park 3 dans mes souvenirs et un troisième. Captain America. Ah oui, Captain America, tiens. Le premier qui était. Moi j'aime bien. Ça va. Alors, synopsis. L'une des inventions de Wend Zanisky. Comment il s'appelle, dis-moi ? Wend Zanisky. tu peux dire le papa de la famille principale ? Ouais. L'inventeur. Wend Zanisky, c'est ça. Je me suis entraîné, t'inquiète pas. Ouais, bah continue. D'ailleurs, se transformer sa maison en laboratoire et sa famille en cobaye. Nouvelle année, mais toujours la même. Toujours les mêmes. Attends, sur toi. Tu te souviens de ton Halloween, Raphaël? On l'a pas oublié. Non. L'une des inventions de Wend Zanisky, d'ailleurs, se transformer sa maison en laboratoire et sa famille en cobaye. Expérimentation. Sa dernière trouvaille est un rayon laser qui rétrécit les objets. La fois où un choc fait déclencher accidentellement ses enfants et ses voisins vont se réduire en une taille microscopique. T'as écrit dans le bus, hein, c'est ça. C'est catastrophique, dis-moi. J'ai écrit dans le bus, oui. J'ai pas eu le temps d'écrire, mais j'ai trouvé une belle phrase à la fin. Que l'aventure refasse un voyage au centre du jardin. Ah bah voilà. La phrase de fin était bien. La phrase de fin était bien. Je me suis rattrapé cette pause. Résumé. Est-ce qu'on peut la refaire en version simple? En gros, l'inventeur Zinzin, il a réduit ses gamins. Voilà. Et qu'ils font une petite aventure au centre du jardin. Ah, celle-là, elle est bien. Celle-là est bien, c'est pour ça qu'il est bien. Ah oui, elle est magnifique. Moi, sa fille, quand j'étais petit, je crois que je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu à la télé, un truc comme ça. Ça m'a plu. Et là, quand je l'ai revu, c'est... Ça a mal vieilli ça... Ou... Non, ça a bien vieilli, mais l'histoire de teenager, de je t'aime, et moi, ça m'a... La guimauve, ça m'a saoulé. Je pensais que dans mes souvenirs, le père il rétrécissait avec eux. Ah non, justement, il y a que les enfants. Mais toute l'histoire à l'extérieur, ça m'a... Mais la mère, elle ne rétrécit pas non plus. C'est non, il y a vraiment que les enfants. C'est que les enfants. Et c'est que c'est cette histoire de teenager, là, de... Ça m'a sorti du film. J'ai pas trop aimé, voilà. Mais les effets sont bien. Et ça a très bien vieilli. Moi, je l'avais revu il y a pas longtemps. Il est passé sur Gulli. J'ai toujours bien aimé. C'est vrai. J'avais trouvé ça sympa. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais vu Gamin, par contre. J'ai vu Gamin, c'était... ça m'a intéressé, mais là... Moi, Gamine aussi, j'avais bien aimé. Mais... Peut-être que tu deviens un vieux con. T'es aigri maintenant. Et voilà, c'est peut-être ça. T'as changé. Non, moi, j'avais un bon souvenir dessus. Et puis c'est vrai que les effets, je trouve qu'ils n'ont pas trop vieilli. Non, c'était les ça, effets, ils marchent bien pour les. La fourmi était pas mal. Oui, la fourmi était bien. Il y a des trucs avec les guêpes, là, ou les abeilles. Oui, les guêpes aussi. Ça marchait bien. Bah, par rapport à Jumanji, ça a moins mal vieilli. Ouais, les chances de Jumanji en numérique. Ouais, avec les Jumanji, il est mieux. Je sais pas, j'ai eu plus de mal à voir Jumanji l'autre fois. Non, je crois pas, non. Ah si, bah, je sais quand même que j'ai eu plus de mal, merde. Je vais le défendre. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas Jumanji qu'on défend, là. Mais t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Mais du coup, ça me fait penser aussi à Minuscule. Oui. Un peu cet univers microscopique ou microcosmos. Ah ouais, microcosmos, c'est chiant. Minuscule, oui. C'est rigolo. Donc voilà, Minuscule, mais c'est un dessin animé. C'est un... Ça me rappelle aussi un épisode de Picsou. C'était presque le même concept. En même temps, c'est Disney, quoi. Oui, mais c'est-à-dire le scénario, Picsou est sorti avant. Bah, oui, dans les céréales et tout ça, mais c'est une idée qui s'est pas faite. Ils ont sans doute fait un test de scénario déjà avant avec Picsou. C'est un thème classique de science-fiction. Là, ouais, déjà, t'as l'homme qui rétrécit, qui datait des années 50-60. Ça a été repris récemment dans Rick et Morty, c'est un truc classique qui revient dans le genre. Vous avez connu la série Chérie, j'ai rétréci les gosses? Qui était pour le coup vachement. Non, la série, j'ai jamais vu. C'était développé par Disney Channel. C'était développé par Disney Channel et après ça a dû sûrement passer. Bah d'ailleurs, il y avait quelques années d'écart, hein, je crois, entre le film. Ah bah, je pense. Il y a eu l'attraction. L'attraction il y avait Chérie, j'ai rétréci. En 4D. Chérie, qui était pas mal. Moi, j'ai vu quand tout marchait bien, c'était vraiment canon. Avec le quand le chien il était le chien, les rats et tout ça marchait bien. J'y suis allée quand j'étais toute petite et Dieu sait que je suis jeune. Rassure-toi comme tu veux. Je me rappelle énormément des rats. Les rats qui ouais, couraient partout par terre. Ah ouais, on avait j'avais ma mère qui était à côté de moi, elle hurlait en levant les jambes. Toi, t'as essayé de les attraper, je parie. Oui, je voulais un câlin. Ah, puis il y a eu le film Chérie, j'ai agrandi le bébé après. Oui. Celui-là, il est nul. Je m'en rappelle pas. Oh, je l'ai vu, moi, je l'ai vu au cinéma, je l'ai trouvé nul et je l'ai voulu le revoir. J'ai oh la vache, la purge. Aussi, maintenant, ils cherchent à faire un remake. Ouais, un ça, oui, j'ai vu, ils veulent reprendre Rick Moranis. Dans le rôle de Rick Moranis. Ouais, ça Salisky. Je suis un gros enfoiré. Ça taquine. Ouais, et ça pourrait être sympa d'ailleurs. Oui. À voir ce qu'il y a. Mais bah, comme le reste. Mais j'ai repris le même réal, pourquoi pas. Oui, après, il est pas mauvais du tout, oui, Joe Johnston. Mais après, voilà, avec maintenant, avec on va dire tous les réels qu'ils ont fait un genre de reboot. Sont... Ben, y a Jumanji qui a marché. Oui, mais c'est plus la même chose. Oui, c'est voilà. Mais c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Mais c'est... ça a marché. Oui. Mais c'est parce que c'était The Rock aussi dedans, non? Ouais, moi j'avoue, The Rock et Jack Black, déjà, moi ça me vend bien le film. Je l'ai pas regardé. Hein. Moi non plus, mais pourtant, The Rock et Jack Black, bah, ça me vend bien. Robin Williams, moi, c'est Michael Hart, donc je supporte pas. C'était pas possible. Ouais, faut oublier Robin Williams, je pense. Non. Pour que ça passe. Non, mais pour que ça passe, sinon tu peux pas voir le Jumanji. Non. Faire un peu. Ne touche pas à Robin Williams. Ah non, je touche pas à Robin Williams. S'il te plaît. C'est lui qui sauve Jumanji, sinon ce serait vraiment nul. C'était un samedi sans histoire. Zalinski, mettez les pouces, on est samedi. Le professeur Wayne Zalinski travaillait d'arrache-pied à sa nouvelle invention. Si le truc marche, il révolutionnera le monde autant que la découverte de l'électricité. Ça ne marchait pas tout à fait. Est-ce que ta machine fonctionne? Prends un petit réglage, ça ira. Puis quelque chose d'inattendu se passa. Ce sont les enfants? La dernière fois que je les ai vus, c'était ce matin. Les enfants en rétrécirent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle marche. Diane, j'ai quelque chose de très important à te dire. Est-ce que je dois comprendre ce que je comprends? La machine fonctionne? Les enfants le savent? Ben oui, les enfants le savent. Mais c'est super! Pas autant que tu crois. Pourquoi? J'ai rétréci les enfants et les enfants des Thompson aussi. Ils font 6 mm et je les ai balancés avec les ordures. Quoi? Ils sont dans le jardin. Walt Disney Pictures vous ouvrira la porte de la nouvelle dimension. Tu crois que papa nous rendra notre taille? Étant donné leur taille, le jardin, pour eux, c'est la jungle. Mickey, sort de là! Oh non! Tiens, Monique! Au secours! Et pendant que le professeur cherche les enfants... On a intérêt à ouvrir l'œil, il est bon. Les enfants prennent la situation à bras-le-corps. Ça y est, on la tient! Si jamais ils font des bêtises, ils vont m'entendre, ces deux-là. Il se passe des choses bizarres dans le coin. Qu'est-ce que c'est? Tremblement de terre! Rick Moranis et le professeur Wayne Zalinski. Êtes-vous en train de dire que cette mis machine... Mis en pièces, mes enfants. Oh, non. Si la machine les avait mis en pièces, il y aurait des lambeaux de chair éparpillés partout. Wayne, vous avez téléphoné pour une disparition d'enfants. Ils n'ont pas disparu, madame, ils sont dans le jardin. N'est-ce pas, chérie? Chérie, j'ai rétréci les gosses et Bobo Bidon. On n'est pas plus grand que des asticots. Papa, ne me lâche pas. Bon, bah, voilà. Paix à son âme. On a autre chose à dire sur Chérie, j'ai rétréci les gosses ou on a fait le tour? On a fait le tour. Donc en gros, tu le reconseillerais pas mal. Oui, voilà, c'est un bon ventre mou vers le milieu et. Avec les enfants? Ouais, avec les enfants, c'est agréable, mais voilà, c'est, ça casse pas trois pattes à un canard. Ouais, mais tu le regarderais quand même avec un gosse, c'est ça passe. Ouais, ça passe. Parce que moi, les films pour petits, il y en a, j'ai du mal à les enquiller. Hein. Lesquels? Bah. Les Scooby-Doo, c'est con. Moi, je les aime bien, mais les Scooby-Doo, c'est quand même particulièrement con. J'ai pas aimé du tout. Je l'ai vu au cinéma, en plus. Moi aussi, j'ai vu les deux au cinéma. T'as vu? Non, j'ai fait, c'est bon. Ouais, j'ai vu les deux au cinéma, mais... Il y a même un troisième qui est sorti en téléfilm. Direct. La jeunesse de Scooby-Doo, je l'ai vu en Divix, celui-là. Il y a eu aussi un porno avec Scooby-Doo, mais bon, celui-là... Celui-là, non. C'est un chien qui parle, en fait. C'est pas en famille, celui-là, du coup. Pourquoi on fait un film, gars? C'est un chien qui parle. C'est toujours mieux que Beethoven, c'est un chien qui parle pas. Justement, c'était crédible. Eh, le pire, je crois que c'était... Comment ça s'appelait le... Il y avait un... Ben, je crois que c'est Benji la Malice. Ah oui, oui. Ça suivait pendant une heure et demie le chien tout seul qui parle pas. C'était long, ce film. C'est vrai qu'on a... C'est à la même époque, les films animaliers avec des animaux. Oui, comme... des films avec des animaux, les films avec les enfants, c'est pareil. Belle et Sébastien. Sauver Willy. Ouais, Belle et Sébastien. Mais c'est revenu récemment, Belle et Sébastien. C'était un genre de série, Lassie. Tu regardais ça tous les mardis au soir. Rintintin, c'est un peu plus... Non, Rintintin, c'est ta grand-mère, peut-être. Skippy. Skippy, ça c'est tes parents. Ouais. Et nous, c'est Beethoven. Et nous, c'est Metteurin, hein, c'est vrai, exact. On est monté en gamme. Ouais. Je suis pas sûr. Ok, bon, bah alors. Bon, alors ensuite, on va attaquer Amy, vas-y, hein, puisque t'es à côté. C'est quoi, toi, ton film? Moi, c'est Les Fugitifs. Donc, c'est un film de Francis Weber. C'est pas Claude Didi. Bah, quand on prend le DVD, on a toutes les bandes-annonces de films de Claude Zidi. Donc, ouais, mais il y a un Weber avant quand même. Voilà. Il y a les compères aussi. Donc Weber, et il est sorti en 86. Donc c'est avec Pierre Richard, Gérard Depardieu, donc le duo des années... Le meilleur duo. Le meilleur duo, enfin... Je croyais que c'était avec Harrison Ford, moi. Non, ah, ça c'est un autre film qui va sortir, de L'Appel de la forêt, là, justement, on l'a vu tout à l'heure. Avec des chiens aussi. Avec des chiens, ouais, un chien, un fake, un faux chien. Donc, il y a Jean Carmet aussi en second rôle, je vous expliquerai après pourquoi je parle de lui. Donc en fait, l'histoire, c'est Jean Lucas qui a passé 5 ans en prison parce qu'il a fait des braquages de banque, il a... Voilà, 15. 15 braquages, ouais. 15 braquages. 14. Non, oui, 14 non, réussis, c'est... le 15e, il s'est fait niquer. C'est ça. Donc, braquage de banque, donc il sort de prison, et là, il y a son... Il y a un flic qui l'attend à la sortie, donc, parce que bah, c'est à chaque fois lui qui l'a foutu en tôle. Et puis, il lui dit, je veux aller dans une bijouterie. Alors, le flic, il flippe un peu, il se dit, putain, il va nous faire un braquage, qu'est-ce qui se passe et tout. Non, en fait, il va juste se récupérer un peu d'argent, parce que... Il revend 2-3 bricoles. Il revend 2-3 bricoles en or pour se faire des thunes, parce qu'il a plus rien. Et puis, il décide d'aller mettre son chèque à la banque, la BNT. Ouais, ils sont bien foulés pour celui-là. Ah oui, la BNT. Et donc, au moment où il arrive, là, t'as Pierre Richard qui se pointe et qui fait un braquage. Et donc, une scène assez... Rocambolesque, c'est le terme. Et Pierre Richard décide de prendre un otage, qui n'est autre que Gérard Depardieu. Voilà, il sort avec lui. Et donc, gros quiproquo, tout le monde croit que c'est Lucas qui braque. Et en fait, non, c'est juste l'otage. Et donc, ils s'enfuient tous les deux. Et voilà, va commencer l'histoire. Donc, il y a eu deux Césars pour ce film. Meilleur acteur dans un second rôle, Jean Carmet. Et Jean Carmet, il a donc le rôle d'un vétérinaire dans le film. Et donc, il y a une scène qui m'a marquée, parce que c'est un film que j'ai vu à peu près 156 fois. Avec, à la louche. Hein. C'est-à-dire que je le regardais à peu près 3 fois par semaine pendant longtemps. Et je le regardais avec mes parents, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi en tant que film famille. Et quand ils sont partis, il y a Pierre Richard qui lui tire une balle dans la jambe, sans faire exprès, bien sûr, hein, Pierre Richard. C'est devenu un nom quand quelqu'un se casse la gueule ou qu'il n'a pas de chance, c'est un Pierre Richard, c'est rentré comme ça. Et donc, il lui dit, écoute, je t'emmène chez un médecin, mais bien sûr, il ne sait pas que c'est un veto. Et donc, Jean Carmet arrive. Et Pierre Richard lui dit qu'il a reçu une balle. Et bien sûr, le veto qui n'est plus en état d'exercer parce qu'il est assez vieux. Oui, là, il est bourré. Voilà. Et il a avalé la baballe, il a avalé la baballe en jouant. Enfin, voilà, ça m'avait fait beaucoup rire et ça m'a encore fait rire. Ça me fait toujours rire, en fait. C'est, voilà. Monsieur Martin ? Tête de hibiscus rose de Chine, dont les fleurs sont parfois jaunes. Monsieur Martin ? Qui est là ? Bonjour, monsieur Martin. Vous me reconnaissez ? François Pignon. Oh, c'est toi, mon petit Georges. C'est gentil de venir me voir. Non, pas Georges. Moi, c'est pas Georges, monsieur Martin. C'est François. Georges, c'était mon père. J'ai besoin d'aide, monsieur Martin. Comment ? Un de mes amis est blessé. Je vous l'ai amené. Il est dans la salle de soins. Blessé, mais j'exerce plus depuis longtemps, mon pauvre Georges. Oui, mais il est très mal en point. Je ne savais plus où aller, moi. Alors, s'il vous plaît, monsieur Martin, examinez-le. C'est urgent. L'examiner. Je ne saurais plus. C'est quoi comme race ? C'est pas un chien, monsieur Martin. C'est... Venez voir. Mais il va me chier partout encore. Puis j'ai plus de femme de ménage. Mais non, il est très propre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un ami. Il est blessé à la cuisse, il a perdu beaucoup de sang. Je suis pas médecin, Georges, moi. Vous pouvez extraire une balle et faire un pansement. Extraire une balle ? Il a avalé la baballe ? Il a avalé la baballe en jouant. Ça va, monsieur Martin ? Fais aller, mon petit Georges. Oh là là, c'est chaud, tout ça. C'est très chaud, mais hein. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries ? Doucement. Je vais peut-être l'amener ailleurs, finalement, monsieur Martin. Gentil. Vous entendez, monsieur Martin, on va pas vous ennuyer plus longtemps. Non, passe-moi l'alcool, mon petit Georges, là-bas. Vous croyez que vous allez y arriver? Vilaine blessure, hein, très vilaine blessure. J'ai plus d'anesthésie, mon pauvre vieux, tiens. Mords-moi ça. Emmène-moi d'ici! Emmène-moi d'ici! Faudrait mieux le piquer. Et donc il y a aussi le meilleur, meilleur scénario de bah, Weber. C'est Weber qui... Ouais, si, le scénario, il est quand même pas mal. Non, mais je te vois faire la grimace, là. Donc voilà, moi c'est un film qui m'a énormément plu. Je trouve qu'il a, voilà, il y a toujours, il a plu à notre fils aussi. Oui, 5 ans pour 6 ans. 5 ans, voilà, il s'est bien marré. Et donc c'est un bon film que je recommande pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et voilà, il y a aussi l'intervention dedans de Michel Blanc qui fait, donc j'ai appris ça tout à l'heure, un caméo. Oui, ah, t'as appris que ça s'appelait un caméo, parce que sinon tu l'as vu 156 fois, donc t'as bien remarqué qu'il était là. Oui, oui, on a bien remarqué. Mais en fait, lui, il fait le rôle d'un médecin. Lui, par contre, il est vraiment en état d'exercer. Il est complètement torché. Et il faut savoir que Pierre Richard, en fait, il a braqué cette banque parce qu'il est veuf. Il a une petite fille de 5 ans. Et, il est veuf et au chômage. Et du coup, voilà, il adore, enfin sa fille c'est tout pour lui quoi, donc il va faire ça pour elle, donc il y a quand même un côté d'empathie envers lui. Il braque une banque, mais voilà, il y a, c'est parce qu'il n'a pas le choix, parce que voilà, je trouve ça hyper touchant. Hyper touchant, ouais, exactement, hyper touchant. La petite fille qui ne parle pas, alors ça c'est un élément aussi. Qu'est-ce que ça serait bien, une petite fille qui ne parle pas? Oh non, bah là pour les raisons pour lesquelles elle parle pas, c'est voilà parce qu'elle a perdu sa maman, et donc ça faisait 3 ans qu'elle avait perdu sa maman, et elle était devenue muette. Ça, c'est des réactions qui peuvent arriver. Voilà, c'est hyper réaliste, hein, de toute façon. C'est... Oh, bah, bon, le film est pas hyper réaliste, donc faut peut-être pas abuser. Si, ça peut se passer, ça quoi. Peut. Enfin, ça peut. Oui. C'est quelque chose qui est, c'est possible, quoi. Bon, enfin, bon. Et du coup, avec l'amitié qui va se créer entre Depardieu et Pierre Richard. Bah, la petite fille, elle va se mettre à parler, quoi. C'est là où il y a un côté hyper, hyper touchant. Donc, voilà. Et après, donc, il y a eu Depardieu, il a retourné avec Weber 15 ans après, je crois. Ah oui, 15 ans après. 15 ans après. Parce qu'il y a eu une période où il faisait plus rien avec lui, et donc il avait fait le placard. Et puis après, il a fait Tais-toi. Tais-toi, ouais. C'était pas terrible. J'ai pas vu celui-là, mais... C'était franchement mauvais. Mais le placard, c'était... Les compères, c'est pas Weber, hein. Si, si, mais ça, c'était avant. C'était avant, ah, c'était avant. 83. Voilà, ouais. Okay, t'as eu La Chèvre, Les compères, Les fugitifs. La Chèvre. Je me demandais s'il n'y avait pas encore un troisième. Génial, il y en a trois qui se suivent. Pour moi, le meilleur, c'est La Chèvre. Bien sûr. Ouais. Et donc, voilà, après, il a fait le placard. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé aussi Depardieu dans un rôle hyper... Le placard, c'était bien. C'était vraiment bien. Oui, il se fout bien de sa gueule pendant tout le film. Ouais, mais... Pareil, il y a un côté... Ouais, mais quand il commence à devenir très proche, on va dire, de Daniel Auteuil, il le joue bien quand même. Quoi. Il est très, très fort. Il commence à être touchant, mais... C'est ça, ouais. C'est vrai que c'est un bon bébé aussi, celui-là. Ouais, ça a l'air tout con, le film, mais c'est plutôt chouette. Bah, comme Les Fugitifs, c'est plutôt chouette, ça se regarde facilement. Ça se regarde, les musiques, elles sont, elles sont marquées. Il l'a pondu parmi les comédies françaises, on se souvient tous. Hein. C'est quand même Le Dîner de con, quoi. Oui, ça reste quand même la comédie française, sûrement, qui est la plus connue, avec peut-être celle des Splendides, quoi, de Pernod et Tudor, tout ça. C'est la partie vraiment du film. Tout ce qui est vu de Funès aussi. Ouais, t'as aussi de Funès, c'est vrai. Mais encore, Le Dîner de con, ça a beaucoup marché, mais je trouve moins bien que La Chèvre, Ah oui, La Chèvre, pour moi, c'est Chèvre et Fugitif. La Chèvre, c'est un truc, c'est... Ouais, c'est énorme. Le Dîner de con, c'est une pièce de théâtre, quoi, ça se voit, donc c'est... C'est un comique de dialogue, beaucoup. Ouais, puis je vois les acteurs moins bons aussi. Dans La Chèvre, ça, c'est quand même des films d'aventure, en quelque sorte. Ouais, La Chèvre, c'est carrément un film d'aventure, c'est ça qui est bien, t'as la comédie, t'as l'aventure... Et alors, c'est marrant, parce que en tant que gosse, on voit ce film. on s'en fait une certaine idée. Et là, je l'ai revu hier. Et en fait, je m'aperçois des détails que j'avais pas vus quand j'étais petite. Mmh. Et donc, je me dis, bah tiens, en voyant la plaque d'immatriculation, À Bordeaux. C'est à Bordeaux. Mais j'avais jamais remarqué. Pour moi, c'était. J'avais pas identifié l'endroit, en fait. Quand t'es gosse, non, tu identifies pas l'endroit. C'est à côté de chez toi, en gros. Voilà, c'est BNT, tiens, c'est peut-être la BNP. tu vois. Enfin, tu fais des suggestions. Et donc, c'est. Voilà, après, tu redécouvres des détails. C'est... Ouais, tu m'as donné envie de le revoir, en tout cas. Non, il est vraiment. Moi aussi, j'étais très très fan quand j'étais petit. Hein. Ouais, il y a vraiment à côté. Le mec, il fait un truc mal, et en fait, t'as presque de la sympathie à ce qu'il ait fait ça, quoi. Enfin... Après, c'est un braquage, c'est pas un truc mal qui va choquer directement quand tu vas le voir. Surtout quand tu vois le braquage se dérouler, tu dis... Oh là là, il tire sur la goupille de la grenade et... Il les file son bas. Il veut balancer le stock, il se prend la vitre. Il demande au mec de venir décrocher le truc, il est haut comme trois pommes, il saute, il arrive même pas à toucher... le haut de la tête de Pierre Richard, enfin, c'est vraiment le gag, quoi. Ça mais c'est ça, c'est un humour qu'on a perdu, qui était un peu clownesque, en fait. Oui. Ouais, puis très, très naïf, en fait. Naïf, c'est pas forcément des baffes ou... Ah, il y en a de la baffe, ouais. Il y en a, mais ça, beaucoup moins que... c'est plutôt du côté de Pardieu, les baffes. Mais c'était pas, en tout cas, c'était pas violent, c'était pas de la vulgarité, c'était plus du monde de gag, c'est ça. C'est ça, du gag, Moi, ça m'a fait aussi penser au Terence Hill, Bud Spencer, un peu moins expansif, parce que Terence Hill, Bud Spencer, il y a de la baffe, quoi. Mais dans l'idée, t'as un peu cette idée-là quand même. Le duo fonctionne bien, quoi. C'est vrai. Ah bah ça y est, chouine. Oui. Donc voilà, je le recommande. Tu m'as tranché ? Oui, je veux pas finir ma vie en tôle, ça vous étonne ? Oui, vous dites tout ça, puis un jour vous avez des fourmis dans les doigts en passant devant une bijouterie ou une banque et on recommence à rigoler. Les mains en l'air, tout le monde, c'est un top ! J'ai dit les mains en l'air ! J'ai une grenade. Attention, j'ai la découpille. Vite ! Mais je veux rien, moi, je suis l'otage! Mais je fais de ma gueule ou quoi? Mais dis-leur, merde! Quoi? Mais que je suis l'otage, bordel! Ah oui, vous êtes l'otage, quelle drôle d'idée! Mais dis pas à moi, connard, dis-leur à eux, on va se faire descendre! C'est parce que j'ai raté un hold-up? Ou c'est parce que j'en ai réussi 14, connard? C'est pour une déposition, on est vas-y! J'ai rien à dire, chez moi! T'as rien à dire! T'as rien à dire, ordure! Il va appeler les flics. Pas médecin, il est vétérinaire. C'est quoi comme race? C'est pas un chien, monsieur Martin, si vous venez voir. Il y a un chien partout, encore, j'ai plus de fans de ménage. Mais non, il est très propre. Tiens, mords-moi ça. Faudrait mieux le piquer, hein. Une règle, si tu veux passer inaperçu en cavale, baisse la tête, regarde par terre. Bien livré à la police, mais je peux pas, j'ai un problème. J'ai une petite fille. Si on me met en prison, elle sera toute seule. Elle a que moi au monde. Mon argent. Depuis le début, il n'y a aucune raison qu'un otage fasse chier comme ça. On le prend pour quoi un otage? Pour se protéger? Non! Et moi, il arrête pas de me faire chier, l'otage! T'as pas de casier, t'as une bonne gueule, tu feras un an maximum. On la mettra à l'assistance. Et alors? C'est pas dramatique, j'en sors bien, moi. Vous voyez le résultat? T'es un connard, toi. Eh ben d'accord. Bon, non, on l'a déjà revu, mais... Wally, une petite critique. Depuis tout à l'heure, tu sens que tu as un truc à dire, vas-y. Non, contre ce film. Non, j'ai pas d'aide, non. Juste, le cinéma français, c'est pas ma cam. Je l'ai regardé avec Elobis, j'ai même pas rigolé. Mais t'aimes pas rire, toi aussi. Il faut savoir, en film français, faut vraiment que t'arrêtes d'exagérer parce qu'on a eu bien pire que ça. Et celui-là, passe presque tout seul. Il y a eu OSS 117, c'est mille fois pire. Hein. Ça va, je préfère OSS 117. Oh, parce qu'il y a un peu Oui, mais je comprends. Non, mais j'ai connu les codes de ces films-là. Tu vois, c'est les James Bond, c'est des trucs. Que là, ça m'a pas fait. Parce que là, c'est pas un pastiche, là, c'est vraiment une comédie. Oui, voilà, ça m'a Que c'est de l'humour un peu beauf et c'est tout. Oui, est-ce que j'ai. OSS 117, c'est beau. OSS 117, c'est méga beauf. Oui, c'est méga beauf, mais ouais, je connais les codes parce que James Bond était beauf. Non, et puis c'est vrai que, si tu veux, c'est vraiment Depardieu et Pierre Richard, c'est vraiment des monstres. Enfin, plus Depardieu, il a fait plus de... Il peut faire plus de choses, mais Pierre Richard... Voilà, lui, c'est vraiment... Il a eu toujours ce genre de rôle, quoi. Enfin, François Pignon, d'ailleurs... Pierre Richard, c'est Nicolas Appeau, le grand malin. François Pignon, c'est le prénom et le nom qui sort à chaque fois... De Weber, oui. De Weber, oui, il y a toujours un François Pignon, quoi. Donc, c'est... Voilà, on s'attache, en fait. Après, je suis pas trop cinéma français, il faut reconnaître que... Weber ou les deux Funès, ça passe toujours. Voilà, ça passe toujours, mais là... Expo à la Cinémathèque, au passage, qui commence sur Louis de Funès. C'est vrai. C'était la minute culturelle. Et le mieux, c'est quand l'expo sur Louis de Funès a été annoncée à la Cinémathèque, t'as tous les connards qui ont gueulé que Louis de Funès n'avait pas sa place à la Cinémathèque. N'importe quoi. Voilà. Sous quel prétexte hein. C'est pas du grand cinéma. C'est pour ça qu'on... Non, mais après, si tu t'arrêtes au gendarme, ça peut coincer, mais bon, il a pas fait que ça. Il a la soupe au chou qui est énorme aussi. L'aile ou la cuisse. La grande vadrouille qui est énorme. La grande vadrouille, la soupe au chou, c'est des trucs qui ont marché. Bon, la soupe au chou, c'est un peu con aussi. Mais bon. Oui, mais c'est simple et drôle. C'est vrai. Efficace. C'était la star de son époque de financier. Mais maintenant, tu parles de Funès, t'as encore, on va dire, je pense, la moitié des gosses de 10 ans qui connaissent. J'espère. Marca qui comparait Sarkozy à De Funès. Non, mais c'est vrai. Pour Sarkozy, c'est presque flatteur. Pour De Funès, il a dû se retourner dans sa tombe. Elle ne comprenait pas trop. Mais il gesticule beaucoup. Elle aurait pu le comparer à Hitler à la pause. Et bien sur ces bonnes paroles. Il y a même un rosier qui a son nom à De Funès. Ah oui, c'est vrai qu'il aimait beaucoup les fleurs. Je crois qu'il était végétarien. Il avait une roseraie. Et du coup, maintenant, on est des roses de Funès. Ça, c'est la classe. Pour l'âge de la cuisse, restaurant, là. Le grand restaurant. Je crois que c'est Catherine Deneuve aussi qui a une rose à son nom. Oui. C'est pas le même genre. Ça me fait moins rigoler. Oui, voilà. Pour ça que j'ai retenu De Funès. Ah oui, tu m'étonnes. C'est une panoplie de grands acteurs, hein, ces films. Hein, c'est du Gabin, du Galabru, du Carmé aussi. Du Carmé, souvent, ouais. C'est tout le temps. C'est... Ils ont vraiment des gueules, quoi. Enfin, Coluche. Ouais. Attends, Coluche, ouais. C'est bien. Yves Montand, je crois, La Folie des Grandeurs. Oui, Yves Montand, bien sûr. Bon, en tout cas, on déborde du sujet, mais enfin bon. On reste dans les films familiaux. On reste dans les films familiaux, ouais. C'est vrai que ça marche. Bon, bah du coup, on va attaquer autre chose avec Héloïse. On reste dans les... Un acteur familial, ou presque. Ah, il a fait 2-3 incursions, mais regarde pas comme ça. Il a fait 2-3 trucs qui n'étaient pas tellement familial. Oui. Photo Obsession, c'était Insomnia. Moyen familial. Insomnia aussi. Et c'était des bons films quand même. Me mords pas. Et bah, c'est moins familial. Et alors? Il a touché à tout. C'est ça, bah, j'ai dit qu'il a été presque que familial, c'est tout. Et on parle de films familiaux, bordel. Mais il est... Oh. Bref. En plus, celui-là, il est nul. C'est vrai que de tous les films, t'as choisi le plus nul, quand même. Je vous emmerde. C'est un peu le De Funès américain, il en a fait des dizaines. Ah non, c'est pas le De Funès américain. Et t'as choisi le pire, quand même. Et je vais dire pourquoi. Parce que même le pire, il est mieux que les autres. Exactement. Bah, en plus, c'est vrai. Il est très innocent. C'est vrai. Donc, pour expliquer à tout le monde la merde que j'ai regardée, voilà. Alors, moi, j'ai regardé... Flubber, qui est sorti en France en 98, réalisé par Mayfield, qui est... en fait, ça veut dire flying rubber, c'est-à-dire gomme volante en anglais. Et je pense que tout le monde en a déjà un petit peu entendu parler, c'est l'espèce de truc vert qui rebondit partout, qui ressemble à du slime. La crotte de nez rebondissante. Exactement. Avec Robin Williams, voilà. Donc alors, pour le résumer, c'est on a Robin Williams qui travaille à l'université de Medfield qui menace de fermer faute d'argent. Du coup, le professeur qui est joué par Robin Williams, qui s'appelle Philip Brainard dans le film, Il enseigne la physique et la chimie. Le souci avec lui, c'est qu'il est, si on peut dire vulgairement parlant, complètement à l'ouest. Il oublie le nom des personnes, il ne se rappelle pas de ce qu'il a fait la veille, il va même oublier de se rendre à sa cérémonie de mariage 3 fois de suite. Ou alors il n'a pas envie de se marier. Peut-être aussi, ouais, voilà. Finalement. Non, c'est parce que ses expériences le préoccupent tellement que tout le reste lui sort de la tête. Et ça va jusqu'à lui faire perdre, faire fuir la femme qu'il aime, parce que tout simplement, elle en a sa claque. Ça fait 3 fois qu'elle fait sa robe de mariée, son maquillage, tout ça, tout ça. 3 fois qu'elle est un beau lapin. Et en fait, le problème, c'est que l'expérience en question qui le préoccupe et qui lui prend tout son temps, c'est le fruit d'un travail de 10 ans. C'est la recherche sur une nouvelle source d'énergie qui aboutit à la création du Flubber. Une sorte de slime vert aux multiples propriétés. Et suite aux différentes péripéties que le professeur Brainard va vivre à cause du Flubber, il va malgré tout essayer de sauver son école. Même pas son mariage ? Sans se poiler. Ah oui, il ne faut pas se poiler les films. Je sais pas, moi je l'ai pas vu. Fallait le voir. Ah j'avais pas envie. Et oui, du coup, alors tout le monde dit mon film il est pété, non, mais c'était pas le meilleur au but. Moi je l'ai pas vu. Voilà. Pourquoi est-ce que je l'ai aimé ? C'est parce que, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, Robin Williams, il a quelque chose de très innocent chez lui, et une douceur, en fait. C'est une comédie qui est, alors certes, un peu loufoque, avec des gags exagérés, mais comme c'est à destination des enfants, ça passe. Le problème, c'est que ce film, effectivement, comme il n'a pas été très très bien accueilli, il n'a pas laissé énormément de traces. Il n'avait pas grand-chose de phénoménal, c'est juste un petit quelque chose familial qui passe tout simplement juste parce que justement je trouve que c'est Robin Williams qui fait remonter le niveau du film en fait. Et il est sorti à quelle date en 98 ? En 98 en France. Quel mois, tu sais pas ? Ah non, je sais pas du tout. Il est sorti en été. Parce qu'il est sorti à la Coupe du Monde. Ah ouais, ça joue aussi parce que quand il est sorti, c'était le film de l'été de Disney, entre guillemets. Oui, voilà, oui, forcément, si du coup, la Coupe du Monde à côté. Voilà. Et puis les mauvaises, les critiques un peu moyennes. C'est vrai qu'elles n'étaient pas très bonnes parce que ils trouvaient qu'il était, que le film tout simplement n'était pas génial, quoi. Ouais, puis Robin Williams, il a eu une mauvaise passe. Oui, voilà. Au niveau des critiques, hein, entre Flubber, Jumanji, L'homme bicentenaire, je sais plus quoi. Jumanji, c'est mal accueilli à l'époque. Pas très bien. Pourtant, il est vraiment pas mal. Ouais, l'idée est géniale, ouais, mais moi j'aime beaucoup l'idée. C'est quoi déjà l'histoire de Jumanji, parce que j'ai pas vu. C'est un jeu de plateau où tout ce qui se. Il y a des énigmes. Tout ce qui se prédit arrive vraiment en fait. Non, tu sais, c'est le truc où il y a des énigmes. Ouais. Qui s'affichent sur le plateau du jeu. Ouais. C'est un truc qui va te tomber sur la gueule. Et tu finis par rentrer dans le jeu. D'accord. Si tu fais un double. Je sais plus. Il rentre dans le jeu parce qu'il a fait un double. Il rentre dans le jeu et il faut absolument qu'il arrive à résoudre l'énigme pour pouvoir ressortir du jeu. Le problème, c'est que quand il a joué... Bien sûr que si. C'est à l'autre joueur d'après de faire un double ou je sais pas quoi pour le faire sortir. Et s'ils arrêtent la partie, il est bloqué. Il était coincé, mais c'est pour ça qu'il est assez bloqué dans le jeu. C'est autour d'un jeu, en fait. J'avoue qu'ils avancent, il se passe un événement. Genre, mais chaque fois c'est prononcé comme une énigme, c'est genre dans la nuit on les entend, mais on les voit pas, et puis là c'est des chauves-souris qui arrivent, des moustiques, en gros c'est tous les animaux de la jungle. Parce que d'abord il est coincé dans le jeu, et après il va ressortir, et toutes les bestioles vont sortir du jeu. D'accord, ok, il va ramener tout le monde avec lui. C'est génial. C'est hyper flippant. Donc il y a une énigme, il rentre dans le jeu, il ressort toutes les bestioles aussi. Donc j'ai raison. C'est bon, on va pas se prendre. Non, mais je comprends. Raph, j'ai compris l'idée. À côté d'elle, fais pas le con. J'ai compris l'idée. Elle a un cutter dans sa trousse. Raph. Mais même lui aussi, il a été super, super mal accueilli. Mais même quand j'étais petite, je l'ai kiffé, quoi. Moi, j'avais aimé Jumanji petit. C'est pas avec Kirsten Dunst aussi ? Si, il me semble. Si, on l'a vu il y a pas longtemps à la télé. Elle était toute jeune. Je vois les acteurs, mais je vois pas le film. Oh, c'est parce que le film est vite oubliable, en fait. Ouais. Mais malgré tout, ils sont oubliés et critiqués et mal notés, mais. Je le redis encore, mais Robin Williams, ça a l'air d'être quelqu'un de tellement gentil et tellement doux que du coup, ça fait passer une certaine innocence en fait dans le truc. C'est sûr, oui. Et... Ouais, quand on voit dans Madame Doubtfire, il est extrêmement et doux, quoi. Il pareil, c'est qu'il a un truc dans le regard aussi. Oui, mais il touche et du coup, ça reste dans les yeux et on a une idée de lui. Tu dis, mais j'aimerais tellement le rencontrer. Enfin bon, là pour le coup, non, mais bon, ça va être plus complexe. Ça va être compliqué, mais j'aurais aimé. Franchement. En même temps, c'est lui qui sauve ses films, c'est pas lui à remettre en cause dans la critique de ces films-là. Non, lui, c'est vrai. Après, lui c'est il est sauf parce fait, que sinon finalement. C'était vraiment des mauvais films, je pense. Hein. T'as pas Robin Williams dans Jumanji, c'est pas bien. Oui, parce qu'à l'époque, c'est... le nom était vendeur. Robin oui, le nom était vendeur, mais l'acteur est bon, donc il arrive à porter quand même le film. Il porte le film. Il a vraiment des rôles de composition, quoi. C'est vraiment. Même le seul qui s'est vraiment bidé, c'était Popeye avec Robin Williams. Et pourtant, il est pas si mal. Il y a des personnages. J'ai jamais entendu parler. Un film de Robert Altman, pourtant. Mais il s'est payé un tel bide, le mec. Ouais. Ils ont reconstruit tout le village en grandeur nature et tout. Ils ont fait un et truc. Le village reste encore en Espagne. En Espagne ou en Italie. Non, en Espagne. En Italie ou en Espagne dans le sud. Okay. En Grèce, peut-être. Non, mais ouais, le village, la crique, elle est toujours construite et ils se sont ramassés un bide parce que les gens n'ont pas compris ce qu'ils voulaient. Quoi. Tout le monde s'attendait à une espèce de comédie musicale et en fait, ben. Et en plus, ils voulaient voir, à mon avis, le Popeye du dessin animé. Bah, ouais. Et c'était basé sur le Popeye de la BD. Ouais, et puis là, ils avaient un Popeye par Robin Williams pour le. Et qui faisait Olive, du coup Shelley Duvall. Après Shining, elle a pas eu de chance. Ouais, bon. C'est clair. Elle a morflé. Enfin bon, bref, tu nous parlais de Flubber, on a dérivé. C'est un kiff. On a rebondi. Oui, mais on a rebondi. Oh, comme la crotte de nez du film. Oui, parce que littéralement, il n'y a que des rebondissements là-dedans. Ouais, du coup, ouais, des gags très exagérés. Mais ça passe, en fait. C'est pareil, ça permet de passer un bon moment, tout simple, sans prise de tête, quoi. À recommander. Voilà, avec des enfants, donc tu penses que ça passe? Bah, carrément. Ouais. Bah, bon, moi, quand j'étais petite, j'étais pliée en quatre, hein. Bon, là, c'était plus le cas, mais... Là, j'ai pas ri. J'ai même pas souri. Mais c'était bien, quand même. Si, j'ai souri. Parce qu'à un moment, quand il essaye de se défenestrer, que la bestiole est censée le rattraper, elle se barre de sa poche, ça fait un trou dans sa poche, et ça... Et bref. Il arrive à faire gagner une équipe de basket de merde rien qu'avec son Flubber. Bah, en même temps, vu qu'il rebondit partout, il va rebondir dans le panier, le Flubber. C'est une des découvertes les plus importantes jamais faites. Un composé chimique particulièrement gélatineux, extrêmement instable, et qui a un incroyable sens du rythme. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Désolé, premier vol. Robin Williams. Tu peux dire au revoir à la pesanteur. Non. Flubber. Vas-y, vas-y, fais-moi un Flubber Boogie. Flubber. Attention. À partir du 1er avril, allez voir Flubber. Donc par exemple, nous avec Joseph, tu nous conseillerais? Ah ouais? Ouais, plus que Gremlins. Ah bah... Gremlins n'est pas un film pour les enfants. Non, on est d'accord. Non. Mais c'est un film familial, Gremlins. C'est familial, c'est pour parler certaines scènes. Le deuxième, non, plus que le premier. Deuxième encore. Le deuxième. Oui, ce que je dis, le plus deuxième, pour plus les enfants. Le premier, parce que le premier, il y a des scènes assez hard quand même. Wow. Mais c'est vrai que comme c'est un animal imaginaire, ça touche moins que un chien. Oui, mais ou, dans un le premier, justement, ils sont plus agressifs envers les humains et le chien que dans le deux. Oui. Dans le deux, les Gremlins se font déglinguer. Mais attends, il y en a qui passent dans un mixeur, quoi. Oui, mais encore une fois, c'est pas, c'est tellement imaginaire que. Ouais, non, mais c'est une petite bête à poil. Enfin. Ah oui, mais celle qui passe dans le mixeur, c'est pas la bête à poil, c'est le crapaud dégueulasse. C'est le monstre, c'est pas le gizmo là, du début. Mais dans le 2, il passe au micro-ondes. Ouais. Parce que le gizmo du début, il passerait dans le mixeur, mais j'aurais pas regardé. Hein. J'aurais pleuré. J'aurais pété un plomb. Bon, donc Flubber à recommander, bon, on verra. De toute façon, avec Robin Williams, tous les films sont recommandés. Et du coup, à recommander Jumanji aussi, parce que malgré tout, s'il vieillit très mal, il est excellent. Et Madame Doubtfire. Ah, Madame Doubtfire, il faut d'accord. Ah, ouais, c'est clair. Celui-là aussi, il est loufoque, les gags sont... Peut-être un peu moins exagéré, mais ils sont tellement plus drôles. Ouais, je dirais pas loufoque, vraiment, Madame Doubtfire. Si. Il est touchant aussi, vraiment, touchant vraiment aussi. Touchant. Il est touchant. Il est moins loufoque que Flubber, je pense. Attends, l'idée de base. Il fait des prothèses. Ouais, mais c'est pas loufoque, c'est logique, c'est dans une certaine logique. Il veut se faire passer pour une femme, faut qu'il fasse tout, quoi. Faut quand même avoir l'idée, quoi. Bah, tout de suite, 20 ans avant. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Bref. Il récupère le numéro de téléphone pour faire du babysitting, et il utilise plein de voix différentes pour répondre aux annonces. Mieux, ça. Et... Enfin, limite, puis il se fait passer pour un pervers, pour un chinois qui veut seulement cuisiner. Pour une espèce de SS, à un moment donné, il prend l'accent allemand. Là. On peut les mettre dans le placard. Non, il y a de l'idée. Il y a vraiment de l'idée là-dedans. Mmh. C'est vraiment. Jusqu'à temps qu'il pisse debout. Ouais. Parce qu'il va le trahir. C'est là, c'est le drame. Et il y a Pierce Brosnan. Ouais, il y a Pierce Brosnan. Bien avant James Bond. Ouais, ouais. deux ou trois ans avant, peut-être. Oh, peut-être même pas. Si. GoldenEye, c'est quoi? 96, 95. Madame Doubtfire, j'irais 96. GoldenEye, j'irais 97, 98. D'accord. Bah, c'était. Attends. 93, c'est... Madame Doubtfire. Si vieux que ça? Oui. Tomorrow Never Dies, c'est avec qui? Mais GoldenEye, 95. Tu vois, j'aurais par contre plus. Tu dis ça, j'avais le bon écart entre les deux, mais par contre, j'étais pas sur la bonne note. Bon, bref. GoldenEye, c'était bien aussi. GoldenEye, oui. Un bon James Bond et. Un super jeu. Bon. Un super jeu surtout. Voilà. Non, j'ai pas eu la 64. Un super jeu sur 64, un plus mauvais sur Wii. Voilà. On s'éloigne. On s'éloigne beaucoup. On s'éparpille. On va finir par faire des crossovers avec mon autre podcast là. Bon, du coup, Raph, si tu lâches ton téléphone, tu vas nous parler de quoi? Mais non, parce que c'est une note. Ah, t'as pris tes notes sur ton téléphone. Pardon, on dirait Julien. Ah, c'est bien, c'est digital ça. Ah, c'est digital. C'est la... T'as ouais. Julien, lui, il est sur YouPorn en général pendant les. Tes podcasts. Là, oui, là d'ailleurs, il est sur YouPorn chez lui parce qu'il est blessé. Il est blessé. Julien est blessé, il doit être chez lui et sur YouPorn. On pense à toi, Julien. Mais pense pas à nous. Vas-y. Alors, c'est mon tour. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Problem Child, plus connu en France sous le nom de Junior le Terrible. Alors, plus connu, faut déjà le dire vite. Connu en France. Plus connu par moi, je crois, parce que personne ne connaît. Si, en fait, quand tu m'en as parlé, je revois l'affiche. Le gamin, il est assis sur la machine, et dans la machine à laver, il y a le chien, je crois. C'est ça, il y a un truc à dire comme ça. Et ils refont pareil sur l'affiche du 2. Oui. Est-ce qu'il y a trois films? C'est une trilogie. Ouais, merci, Raph. Donc, Junior le Terrible, sorti en 90... réalisé par Denis Dugan, pas spécialement connu pour quoi que ce soit, par Big Daddy avec Adam Sandler. Voilà. Un des moins mauvais d'Adam Sandler. Acteur et réalisateur de second rôle, mais avec dedans John Ritter, acteur plus connu de second rôle, qui a joué dans beaucoup de séries, Ally McBeal, Buffy, Scrubs, qui a joué dans Il est revenu, l'adaptation de ça dont on parlait, et bien sûr de Nowhere de Greg Araki qu'on avait tous adoré. Ah bah voilà, toujours un lien avec Raph. Qui est toujours chez vous, d'ailleurs, quelque part. C'est pas à vous qu'on l'a repassé, Nowhere, je crois que je l'ai vu. Ah si, il est toujours là-haut. Vous l'avez tout tellement aimé que vous... C'est castré mon film. Donc très connu. C'est ton film de pédophile au premier rendez-vous, c'est ça? Exactement. Voilà. Non, ça c'était Mysterious Skin de en dérive grave aujourd'hui. Donc, John Ritter, en fait, c'est le genre de mec que le nom dit rien, mais quand vous verrez sa tête, il dit ah ouais, ok, je vois. Là, je vois pas. Vous verrez. Et. Vous verrez, bon, attends, on va taper. Tu l'écris comment, John Ritter? J'ai dit Ritter, R-I-T-T-E-R. Merci. John Ritter, mais sans le C. John Ritter. Avec un W, comme ça se prononce. Bien sûr, John Ritter, quoi, tu vois. La tête, quand même. Ah ouais, d'accord, c'est bon. Excusez-nous, on fait une aparté. Ah ouais, bah, il a joué dans Battlestar Galactica. Ouais. C'est le genre de mec, tu sais plus dans quoi il a joué, mais tu le connais en fait. J'ai déjà. Ah oui, il a joué dans énormément de second rôle dans des séries et des films. Mais pas de rôle notable à lui. Je me demande s'il n'a pas joué dans Les Contes de la Crypte, justement, lui. Franchement, il y a moyen. Il y a moyen. Bah, je le saurais bien. Et pour finir, alors encore plus connu, Amy Yesbeck. Oui, bien sûr. L'épouse de John Ritter, bien entendu, mais qui est. Moi, c'est juste quand j'ai vu sa filmographie, je savais que je connaissais sa tête, je connais pas. C'est qu'elle joue Peggy Brandt dans The Mask. Et là. Ah oui, la journaliste. Je vous embouche encore. Ah, la rousse. Ouais. Donc il y a Peggy. Voilà. Bon, maintenant qu'on a même pas commencé à faire le résumé. Non, mais par contre, on situe bien les acteurs. On situe bien les acteurs quand même. Donc on a Peggy la cochonne de The Mask et John Ritter que vous avez vu partout. Sexiste. Peggy la cochonne. Mais oui, pourquoi? Bah, dans les Muppets, Peggy la cochonne. Oui, mais là. Non, mais oui, bon. Rien à voir. Voilà. Oh, ça va encore me retomber dessus, si ce n'est. Alors, Junior le Terrible. Alors, c'est donc, Problem Child. Donc, ou Problem Child en Angleterre, oui. Et aux États-Unis. Et au Canada. Et au Canada. C'est Problem ouais. Child au Canada? Bah, probablement pas au Québec, mais j'ai pas trouvé. Enfin, un problème, du coup. Probablement, c'est probablement ça, ouais. Donc, c'est l'histoire de Ben Healy et sa femme. Donc, couple basique de classe moyenne, vivant dans une banlieue résidentielle des États-Unis, comme on a vu plein dans plein de films clichés, avec des petites maisons toutes mignonnes où ils tournent la pelouse tous en cœur. Ah, ils doivent ramener l'argent, genre de trucs. Voilà, exactement. Desperate Housewives, genre de banlieue, quoi. Qui, donc lui, c'est un commercial qui bosse dans l'entreprise de son père. Il est genre gentil, mais un peu crétin. Et elle est hystérique, elle est hyper superficielle. C'est clairement elle qui porte la culotte, quoi. Et en fait, leur problématique, c'est qu'ils sont pas... enfin, pour elle, sa problématique, c'est qu'ils sont jamais conviés aux fêtes de leurs voisins. Et elle réalise que c'est parce que c'est toujours des fêtes avec des enfants. Et... qui n'ont pas d'enfants. Oh. Donc ils ne sont pas invités aux fêtes des voisins. C'est pas sympa, ça. Sauf que du coup, deuxième problématique, c'est qu'elle déteste les enfants et qu'en plus, elle refuse d'en porter pour pas détruire son corps de rêve, comme elle le dit elle-même. Du coup, la solution évidente, mais adoptons. C'est la meilleure raison au monde pour adopter, aller au taf de ses voisins. Il y a ça et les allocs. Hein, et les allocs, voilà. Du coup, ils se rendent alors à un orphelinat tenu par des bonnes sœurs et se font refiler... Junior. Refiler. Ils se font refiler. Sur le bon coin. Là, je dis vraiment ça pour ça, c'est parce qu'ils se font refiler. Junior, un petit garçon avec une coupe au bol qui l'aurait décrit comme un petit ange. Mais direct, quand il l'adopte, on voit en fond. On voit en fond de scène, on voit les bonnes sœurs qui font la fête, qui débouchent le champagne et tout. Et c'est le début des ennuis, avec beaucoup de bêtises, de farces. Et même des courses-poursuites et un serial killer évadé de prison. Ça, c'est pour vous donner envie de voir. Les extraterrestres, c'est dans le 2, alors, c'est ça. Et il y a en effet deux autres. J'ai pas vu le 3, mais j'ai un très très bon souvenir du deuxième. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment le genre de film dont je parlais au tout début. Film avec un gamin en star, comme on a pu voir avec Maman, j'ai raté l'avion. On a déjà parlé. Et Denis La Malice, par exemple, mais qui sont sortis après Junior le Terrible. Mais Denis La Malice, c'est quand même une vieille bande dessinée. C'est une bande dessinée, mais l'adaptation est sortie après. Et il est même sorti donc avant Maman, j'ai raté l'avion. Je pensais que ça aurait été peut-être l'inverse, mais non. Parce qu'il a quand même inspiré Maman, j'ai raté l'avion, quelques films de gamins comme ça. Et donc voilà, c'est un film typique, moi je considère comme typique des années 80-90, avec les gamins en vedette qui prennent le pas sur les adultes, qui font un peu la loi. Je voulais le revoir parce que je ne l'avais pas vu depuis que j'étais tout petit, je le louais genre tous les mois avec ma sœur en VHS au Vidéoclub. Je garde un très très bon souvenir de ce film, et encore plus du 2 où sensiblement la même chose. Mais il trouve une... sa némésis, quoi. Une petite fille qui est mille fois pire que lui, beaucoup plus intelligente, qui fait encore plus de bêtises, avec une scène mémorable où ils font vomir tout le monde sur un espèce de manège dans une qui va très vite. Cette scène, elle dit quelque chose. Une fête foraine, tout le monde se dégueule dessus, c'est abominable et tout, mais ça, c'est du souvenir quand t'es gamin. Je suis sûr que je l'ai vu, ça, en fait. Je trouve qu'il a... hyper mal vieilli. J'étais assez déçu de le revoir. Heureusement, j'ai un énorme effet nostalgique qui fait que j'ai quand même passé un bon moment. Ça m'a fait plaisir. Je me souvenais pas de tout. Au fur et à mesure sur le film, ah, mais oui, et tout, machin. Ça a quand même très mal vieilli. Je le recommanderais pas à des adultes ou des ados, mais à des parents avec des enfants en bas âge. Je pense que c'est cool pour des enfants en bas âge, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment un film... de gamins, pour les gamins, avec les enfants qui font la loi, qui font des bêtises et qui s'en sortent, ce que rêvent de faire tous les enfants. Mais est-ce qu'il est vraiment très violent avec les autres êtres humains? Il est... C'est pas de la violence, comme non, c'est la violence... Non, je veux dire, comme Maman, j'ai raté l'avion, par exemple, parce que tout à l'heure, quand tu réfléchis, il est très violent avec les autres. Enfin, dans le premier, du coup, le 2, moyen, là, c'est plus... il va foutre le chat dans la machine à laver, genre de bêtises, il va gâcher une fête d'anniversaire... en jetant les cadeaux dans la piscine, en mettant des cochonneries dans la piñata au lieu des bonbons qui sont dedans, tu vois, genre c'est des bêtises d'enfants. Oui, ça c'est un film quand même pour les petits, quoi. Des bêtises d'enfants, mettre un chat dans une machine à laver. Oui. Je crois qu'il y a bien un adulte qui a mis son chat dans le micro-ondes. Hein. Ouais, c'est ça, ça va honte, c'est carrément un meurtre, c'est carrément horrible. Mais, bon, dans la machine à laver, normalement, tu le tues aussi. Oui. Pas dans le film. Pas dans le film, heureusement. Ah, bon, bah ça va. Mais du coup. L'animal a été maltraité. Ouais, du coup, bon, c'est quand même beaucoup moins riche qu'un moment où j'ai raté la donc. Pour le coup, j'ai revu il n'y a pas longtemps et que je conseillerais beaucoup plus aisément à ceux qui l'auraient. Pas encore vu qu'il lui vit quand même très très bien, je trouve. Ça, il n'a pas à faire le même genre de production, c'est pas les mêmes musiques, c'est pas la même image, c'est pas les mêmes acteurs, c'est clairement. C'est pas le même réalisateur. Aussi. Mais bon, si vous tombez dessus, on sait jamais. Bon, c'est vrai que c'est un film, je pense que tout le monde a oublié parce qu'il repasse jamais à la télé. Il est vraiment. Non, c'est clair que ça. Moi, il m'est revenu comme ça, quand on parlait de ce thème d'un coup. Mais j'avais pas pensé de t'as pensé à Beethoven avant. D'abord, je pensais à Beethoven, puis après, j'ai fouillé dans les films que je regardais quand j'étais petit. Il y a eu celui-là. Si un jour il passe à la télé, ça se regarde quand même. Voilà. Ça va être attesté. C'est vrai que nous, Jojo, il avait regardé Maman, j'ai raté l'avion, il a aimé, sauf que. Oui, il fait trop mal scène. Au méchant. Ouais. Il en a pleuré, le c'est vrai ah que c'est oui, violent, il a... hein. Oui. Je l'ai revu avec mes yeux d'adulte, c'est. Tu dis, si je prends ça en vrai, je non, mais, que tu c'est l'as ça, saigné, on passe en fait. Pas quand même. Le premier piège, t'es mort normalement. Quand c'est un dessin animé, ça non, passe. Mais il est mort plusieurs fois, le mec. Les deux, ils sont morts plusieurs fois. Il n'y a pas moyen. À chaque piège, il meurt quand ils se prennent des poutres de 100 kilos dans la gueule. Ou le feu sur le crâne. Le crâne, au moment quand il tombe dans les escaliers, la tête directement dans les marches. L'arrière de la tête dans les marches. Un gros crack. On y serait passé bien avant. Je crois que c'est encore pire dans le 2. Dans le 2. De 4 étages. À un moment, dans le 2, il tombe de 2 étages. Après, il leur balance la caisse à outils de 100 kilos sur la gueule par-dessus. En fait, le gamin, il est ouf. Et le, c'est un psychopathe. C'est Damien, c'est la malédiction. Le mec, en plus, il a l'idée de brancher une batterie électrique sur le lave-main. Là, les mecs, ils s'électrocutent dessus. Il leur dit Charles, je vais leur cramer le crâne et dans les chiottes, je vais mettre de l'essence. C'est vraiment l'effet c'est de, des cartoons. En fait. Mais c'est ça, mais c'est inspiré cartoon. Des cartoons. Ah ouais, c'est très cartoon. Mais... Sinon, clairement, le gamin, il finit psychopathe. Hein, Michael Myers, ah, mais en à film, côté, du coup, ça touche plus. Parce que mais bizarrement, c'est réel, en le revoyant, j'ai été plus choqué par cette histoire des parents qui oublient leur gosse. C'est hyper violent, quoi. Ouais. Genre, en plus, on va à Paris et tout, c'est les vacances, on oublie notre gosse, quoi. Mais dès le début, tu vois que le gamin, il est surchiant déjà. Comment tu peux l'oublier? Il est tout le temps là. Ouais, non, c'est vrai que. Et en plus, et le plus choquant, c'est que bon, t'as la mère, genre t'as vraiment le délire, c'est la mère, c'est mon fils, mais le père, ils sont bons. Ah oui, le reste de la famille, sont fils. Le mec, oui, mais quoi. En fait, ils disent, genre sa femme, elle va absolument rentrer, et lui, ils disent, bon bah nous, on va quand même à Paris, on s'appelle, hein, chéri. Ouais, non, parce que quand même, ton fils, la mère, elle non, mais pour sa défense, ils disent, il n'y a aucun avion et tout ça, peut-être qu'à Paris, vous en aurez un. Mais comme il a pas l'air très. Elle repart à Chicago, elle refait tout un détour alors que lui il prend l'avion direct et ils arrivent quoi 5 minutes après. Mais c'est la réaction sur le moment. C'est le pragmatisme du père qui est. Mais sur le moment, tu le vois pas comme ça quoi. Tu es là. C'est moi, j'ai vu comme ça. Bref. Donc ben voilà. Vous l'avez pas vu, j'imagine, Julien Le Terrier. Moi je crois que je l'ai vu, gamin, et je me souviens de la scène de vomi dont tu parles. Ça, c'est dans le 2 du coup. Quand on a parlé, ça m'est revenu, je suis sûr que j'ai vu le 2 aussi. Et j'ai souvenir qu'il était plus trash et plus rigolo du coup. Mais j'ai pas. Pour le coup, j'ai pas eu le temps de le revoir, et j'ai appris qu'il y avait eu un 3, que, où apparemment il est amoureux, c'est pas. Mais je... Ah. Ce serait dommage de voir. Ce serait dommage de louper ça. Mais je l'ai. Je l'ai montré à ma copine, si c'est un scoop. Pour la Saint-Valentin en plus. Et pas pour la Saint-Valentin, mais je l'ai montré quand on devait faire donc cet enregistrement en décembre. Donc je l'ai maté fin novembre, début décembre. Et elle l'a trouvé sympa. Et puis elle t'a quitté 3 jours après, du coup. Elle a pas trouvé que c'était un gros navet, quoi. Donc ça fait. C'est quand même c'est plein de bons sentiments à l'américaine. On va dire que c'est le truc. Tu vois, tu peux regarder quand un chocolat chaud, c'est mignon. C'est, ouais, c'est genre les téléfilms de M6 à Noël. Ouais, c'est un moment cocooning. C'est un film où il y a. Aucune violence, aucune. Enfin, on se fait chier un petit peu. J'avais souvenir qu'il était un peu plus punchy, tu vois. Ouais, mais ça, c'est, mais c'est dans souvenirs. Le souvenir d'enfant ou. Ouais. Ouais, puis c'est le souvenir d'enfant, tu retiens les scènes choc, tu dis ah, c'était bien, elles s'enchaînaient bien, puis quand ça tu le revois, tu oui, revois, tu dis, on voit pas avec les mêmes yeux. Kids, they're the hope of the future. You two really must have a lot of fun together. Yeah, these little rascals really make life worth living. But Ben and Flo have a problem. Are you absolutely sure there's no hope? Oh, none whatsoever. Florence, why can't we adopt? Okay. Let's get a kid. Okay, you want a little baby? Well, old baby's a little. It's no problem there. Just this morning, I came upon a 7-year-old. Ah, smart as a tack. A little rambunctious. But weren't we all at that age? Oh, he does look very presentable in that little bow tie. He's evil. That's a wicked mind. Look what he did in art class. Skeletons. Headless corpses. No, please, don't hyperventilate. Either Junior goes or you find yourself some new nuns. Hey, we must have gotten the pick of the litter. Look, everyone's come out to see him off. I would like to proudly present the newest member of the Healy family, Junior. He's got the face of an angel. It's the devil. I hope you guys are insured. He's got a special way with pets. Poor Fuzzball. He'll never be the same. He's got the keys to the car. My new car! No! Maybe all the child needs is to be loved. We've adopted Satan. You took him, he's yours! That's because you condescend to him! What am I supposed to do with the little creep? He's already been returned 30 times! He's mad. He's bad. He's 7. I'm gonna be 8 in 2 weeks. Don't count on it. John Ritter. Here's Daddy! Problem child. D'accord. Et du coup, pour continuer dans l'univers un peu cartoonesque. Oui. Belle transition. Hein. Ah oui, oui, bon, vous parlez de moi, pardon. Alors, tu t'arcutes pas là. Ah bah non, j'ai pas percuté, j'attendais la fin de la phrase. C'est... Donc oui, pour continuer dans l'univers cartoonesque, moi. Oh le con. Du coup, moi, je voulais parler de Roger Rabbit. Et pour le coup, on est assez il dans. J'ai du beat. J'ai du beat. C'est pas la première fois non plus. Et pour le coup, c'est assez la définition qu'on faisait Héloïse des films familiaux. C'était, j'ai littéralement poncé la VHS. C'était la première VHS qu'on a eue à la maison avec le magnétoscope. Elle a morflé, elle a fini face à la VHS. Bref, donc voilà. Donc Roger Rabbit. 1947, Hollywood. Les êtres humains et les toons cohabitent avec plus ou moins de bonheur. Voilà. Non, sérieux? Non, c'est le pitch, sérieux. C'est le pitch. Roger Rabbit est le toon le plus populaire, il est amoureux fou de sa femme Jessica. Malheureusement, cet amour contrarié l'empêche de travailler correctement. R. Cameroun, son patron, engage le détective Eddie Vaillant pour le ramener sur le droit chemin en lui prouvant que sa femme le trompe. En général, ça marche pas bien, mais bon. La réaction légèrement excessive de Roger à la preuve de la tromperie de sa femme. Et la découverte du cadavre de l'amant en font un suspect idéal. Rapidement, Roger Rabbit est accusé et pris en chasse par le juge de mort et son escouade de fouines. Roger et Eddie devront s'innocenter l'un l'autre et mettre le complot à jour. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est le résumé. Et par contre, le film, en-delà d'un résumé qui est assez, au final, film noir, comme on pouvait en voir dans les années justement 40-50, il y a un tour de force technique qui est d'autant plus fort que quand t'es gamin, tu le perçois pas. Mais alors, pas du tout. Je l'ai toujours vu depuis tout petit, ce film. Et quand t'es petit, tu percutes même pas que ça doit être impossible de faire cohabiter les deux. C'est déjà, quand tu grandis, tu comprends bien que les dessins animés et les humains, ils sont pas sur le même plan. Mais il a vraiment fallu que je voie des making-of et des trucs comme ça pour me dire, mais ouais, en fait, c'est ouf de réussir à le faire aussi bien. Mais c'est ça, et c'est en quelle année qu'il est sorti? 88. 88. Et quand tu vois Space Jam 10 ans après, c'est mille fois loupé. Il y a The Mask aussi qui est réussi pour le coup. Oui, mais The Mask il est réussi, mais il mélange pas dessin animé et film. Très peu. Il y a des effets quoi. Quand il y a même. Des effets, il y a un peu, mais là, les deux sont toujours ensemble. C'est vrai. Un reboot d'ailleurs de The Mask, je trouve ça honteux. Mais... Moi aussi. Bah, ils ont fait une suite de The Mask qui était déjà à chier. C'est-à-dire que. Ouais, mais même à l'âge adulte, quand on regarde Qui veut la peau de Roger Rabbit. Moi, il passe. Ça passe quand même. Il y a une scène qui met le doigt dessus, c'était dès l'intro. T'as le dessin animé avec Roger Rabbit, il se prend le frigo sur la gueule, la caméra recule, tu vois le plateau, mais naturellement. C'est hyper bien. Et quand tu l'as vu, c'est ultra... C'est dingue. C'est fluide. C'est ultra bien fait. Non, mais en plus, vraiment, ça recule et t'as un cartoon devant toi, et les humains juste à côté, et tout est super naturel. Ouais, ouais. Et ça change des dessins animés de Disney de l'époque, là, comme Elliot le Dragon, qui c'était toujours. Peter et Elliot, c'était vraiment c'était en 2D. Hein. C'était en 2D, et on sentait que la caméra ne pouvait pas trop bouger. Que là, dès le début, on voyait du mouvement. Dès le début, t'as le mouvement de caméra qui recule et qui te révèle le plateau. Rien que là, c'est Mickey, c'est dit regardez comment on fait quand on est bon. Voilà. Ah, c'est Zemeckis, je suis en train de me demander c'était qui. En fait, dès que Spielberg a voulu tester des trucs, entre guillemets, il a produit les films de Zemeckis. Donc il a voulu tester prise de vue réelle et dessin animé, il a produit Roger Rabbit avec Zemeckis. Il s'est dit, Zemeckis en a chié, je crois que le tournage a duré 2 ans, chaque prise a été prise 3 fois, c'est un truc de malade, mais le résultat, il est carré. Il est canon, c'est canon. Il est exceptionnel, le résultat. La jeune comme plus vieux, ça... Ah, mais dès que tu as, en plus, le film, déjà, le scénario se tient, les acteurs sont bons, et tout est parfait, ouais. Mais vraiment, quand t'es gamin, tu regardes le film, t'es dedans, et adulte, tu réfléchis, tu dis, mais... Techniquement, où elle est la jonction, parce que... Oui, on trouve pas l'erreur de... Il n'y a pas d'erreur, en fait. Il n'y a vraiment pas d'erreur. Quand tu regardes le truc, c'est incroyable. Il garde toujours dans les bonnes directions. Il y a un timing de gag qui est excellent entre les cartoons et l'être humain. La couleur, elle est extraordinaire aussi. C'est super beau. Ouais, c'est super beau. Le Hollywood qui est reconstruit est magnifique. Puis même en termes de scénario, alors certes, quand t'es gosse, tu le regardes parce que ça fait un peu les dessins animés, le lapin qui est marrant, qui est un peu con. Mais quand t'es adulte, tu comprends en fait le fond de l'intrigue. Et... Il a le côté ultra cruel de l'intrigue aussi. Ouais, parce que moi, quand j'étais gamine, je regardais, mais je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a un fusil là qui passe par la fenêtre et qui veut tuer quelqu'un? C'est ça. Je m'en foutais, moi, c'était pour le lapin. Puis au final, après, tu comprends que... Il y a vraiment un truc derrière, quoi. Il y a un truc derrière. C'est autant pour les petits que pour les petits, moi, les moyens et les grands, quoi. Choqué à la fin. C'est un peu... Ça fait un peu peur. L'écraser, ouais. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était... Alors que la trompette, bizarrement, c'est ultra cruel et ça fait absolument pas peur aux gamins. Par contre, adulte, tu le regardes, c'est méga cruel. Mais il est... Comment... Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, il est admirable, bien sûr. De toute façon, cet acteur, il a cumulé les rôles. Il y a trompette et quand ils font le. Ouais, bah c'est aussi la trompette. Voilà, ça m'avait marqué. À la base, je crois que c'est Spielberg qui avait l'idée qu'il voulait faire le professeur Lloyd, le juge, qui était le tueur de Bambi. Oui, après ils ont dit c'était trop cruel ou Disney. Non, puis ils ont dit là ça va être tiré par les cheveux parce que c'est pas les mêmes. Il parle à un moment de Disney, R. Cameron, il dit que Disney a prêté Dumbo et je sais plus quoi. Mais déjà, il y a eu pas mal de bisbilles entre Disney, on voit Bugs Bunny, on voit Daffy faire cohabiter, entre guillemets, tous les studios financièrement. Ça a été, un gouffre, quoi. Enfin, d'une complexité folle. Et malgré que Touchstone, c'est Disney. Hein. Mais c'est produit par Amblin, par la Warner. Enfin, c'était un truc de... Parce que fallait le même temps pour Mickey, pour Donald. D'où la scène avec Donald et Daffy Duck qui se répondaient qu'à chaque fois qu'on voit Bugs Bunny, on voit Mickey apparaître dans la foulée. C'est intéressant, c'était du 50-50. C'est ça. Et le pire, c'est que quand tu le regardes, Ghost, ça choque pas parce que tu vois les deux, voilà. C'est génial de les voir ensemble. C'est génial de les voir ensemble, mais ça fait pas forcer. Tu te dis pas, on le voit exprès parce que. Non. Par contre, quand on te le dit, tu dis, c'est vrai, ils avaient toujours. Non, je vais voir plus que ça, je pense. C'est ça. Et moi, j'aime beaucoup le fait que le film se passe dans notre monde avec des cartoons. Et qu'après ça twist à la fin, c'est Eddie Vaillant qui va à Toonville, je trouvais ça génial. Ce qui est très drôle, c'est que les premiers 2/3 du film, on t'en parle de Toonville, mais t'y vas pas, donc tu pensais pas qu'il allait, moi je pensais pas qu'on le verrait, quoi, je me souviens. Quoi. T'as l'attente, et petit à petit dans ta tête, tu dis ouais, non, en fait ils iront pas, et à la fin ils y vont, tu dis ah ouais. T'as trop envie d'aller avec eux, quoi. Mais grave, ça c'est magique comment dans le film. C'est ça, et c'est super bien fait. Alors qu'en plus, si tu réfléchis, c'est encore plus simple que du fond vert, ils l'ont construit en vrai. Donc c'est bien plus simple que du fond vert techniquement, mais c'est ça qui marche. Et les interactions entre les humains et les dessins animés, il n'y a pas un moment où tu dis ça marche pas. Alors exactement. Que tu regardes SPGM, tu vois bien que Michael Jordan, il a le regard vide. Quoi. C'est... Oui, c'est après, bon, c'est Michael Jordan. Tu dois regarder vide de base. Je défends pas Michael Jordan, tu vois. C'est pas son boulot. Voilà, c'est pas son boulot. Oui, et c'était peut-être une idée de merde de faire ça. Mais bon. Bah, si je te raconte, qu'est-ce qu'il y avait comme idée pour faire la suite. Oui, je sais. Mais Jackie Chan, ça aurait pu le faire. Jackie Chan, au moins, c'est un acteur. Mais là, il voulait le refaire avec LeBron James, je crois, SPGM. Oui. Je sais pas si ça a été fait ou pas, mais je sais que par exemple Joseph aime bien SPG, mais moi le revoir à chaque fois c'est un calvaire. C'est pas. Bon, déjà les gags ils sont moins bons et c'est moins bien écrit. Et... C'est pas le pire. Non, le pire c'est Cool World. Oui, mais Cool World c'est loupé sur tous les plans. Mais bon, Roger Rabbit par contre là c'est réussi. T'as Christopher Lloyd qui fait le juge de mort, c'était le doc de Retour vers le futur, c'est Fétid de la famille Adams. Il a cumulé quand même ce mec. En termes de carrière, t'as Eddie Vaillant, c'est Bob Hoskins. Qui jouera plus tard Mario. Le con. Mario, Luigi. Mario. Non, lui c'est Mario. Luigi, Mario, c'est John Leguizamo. Mais ouais, Bob Hoskins, bon, il a une belle carrière aussi, quand même, mais bon, il a fait Mario. En fait, c'était une belle époque. C'était une belle époque, mais de toute façon, un film comme ça, il a Il n'y en a aucun qui arrive à la cheville. Non. Hein. Roger Rabbit, c'est une... Même Joe Dante, qu'on voulait faire à Les Looney Tunes... Les Looney Tunes passent à l'action. Bah, c'est pas mal, par contre, Les Looney Tunes passent à l'action. Mais on sent le côté, comme disait, comme Peter Elliot le dragon, Mary Poppins, il y a un côté un peu à plat, quand même. Ouais. C'est bien filmé de face, c'est bien filmé... Y a pas, et puis bah, ça, j'aime bien l'acteur de Looney Tunes passe à l'action, mais c'est pas le même calibre. Brandon Fraser, c'est quand même pas le même calibre que les autres. Et je pense qu'ils sont pas fait chier à tourner chaque scène 3-4 fois pour être sûr d'avoir le bon jeu. Roger Rabbit, tu vois, il tournait une fois à vide, une fois avec des mannequins, une fois autrement, pour qu'à la fin il combine tout et avoir un truc parfait. Quoi. Et ça marche. Ça marche. Et c'est très bien. Roger Rabbit, ça marche. C'est. Par contre, le truc qui m'a scié, moi, c'est quand je suis passé de petit à adulte, il y a plein de références de cul. Oui. Mais alors, petit, ça te passe 3 km au-dessus, mais alors adulte, ça te saute aux yeux. Tu dis, ah ouais, quand même. Et la première fois, je me disais, ouais, non, ça doit pisser, ça s'accumule. Ah si, c'est des références de cul, il n'y a pas le choix. Le coup du lapin sous le manteau, quand t'es petit, tu dis, bah oui, il a un lapin sous le manteau. Quand t'es plus grand, tu dis, oui, il y a un gros lapin, quand même. Chapiteau. Voilà. Où, je crois, il y a des dessinateurs qui ont dessiné la foufoune de... Ouais, mais alors oui, ça... Oui, alors il paraît que Jessica Rabbit, quand elle tombe de la voiture, n'a pas de culotte. Ouais, mais voilà. Ça, que ce soit petit ou grand, de toute façon, si tu ne mets pas en ralenti, que tu ne cherches pas spécifiquement le moment, ça... Ouais. Mais ils l'ont effacé maintenant, c'est pas une... Ouais, je veux dire, c'est pas une allusion, tu vois, c'est un truc... Comme il paraît dans Bernard et Bianca, t'as des scènes de porno qui sont incrustées dans des fenêtres. C'est la Barbie, elle a même de culotte. Ah oui, mais Barbie... Vois, bah, du coup, ça rejoint un peu le côté... Barbie, elle n'a pas non plus d'appareil génitaux. Non. Elle fait jamais pipi. Ni caca. Barbie est blonde. Barbie princesse, elle fait pas caca. Mais ouais, c'est quand même blindé de références de cul. Quand t'es plus grand, ça fait sourire quand même. C'est pas grossier. Oui, c'est pas grossier. Ça reste assez. Tu souris surtout de ta naïveté, enfant. Je trouve, quand t'es plus grand. Bah. Il y a rien dans la vulgarité, en fait. C'est ça. Ça reste propre et bon. Pas gênant par rapport à un enfant, parce que du coup, il comprend pas. Lui, il le voit pas le et rapport, ça passe tout seul, quoi. Non, mais du coup, ouais, ça reste un film que moi, j'aime beaucoup. J'ai effectivement, le coup du picotis-picota, au départ, tu le comprends pas, puis après, tu comprends vite. Quoi. Oui, oui, bah oui. Entre autres. Tripoti-tripoton. Picotis-picota. Maman va chez le coiffeur, mon chéri. Mais je te laisse avec ton meilleur copain, Roger. Il va s'occuper très très bien de toi. Parce que sinon, il retourne au laboratoire d'expérimentation. Ce n'est pas toi, bébé Herman. Tu étais super, tu étais parfait, tu étais mieux que parfait. C'est Roger qui nous fait n'importe quoi. Roger ? C'est quoi ça ? Dissension ! Roger, ni le script. Regarde ce qu'il dit. Il dit que le lapin est sonné. Le lapin voit des étoiles. Pas des sociaux, des étoiles. Vous coupez la bande son, s'il vous plaît. Tu me tues. Il manquait plus que ça, Roger. Mais combien de fois il va falloir la refaire, cette foutue scène ? Raoul, je vais dans ma caravane. Je vais me reposer. Je vous en prie, Raoul. Je peux vous faire des étoiles. Faites tomber le réfrigérateur sur ma tête une fois de plus. Je l'ai fait tomber sur ta tête 23 fois, Roger. Je tiendrai le coup. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne m'inquiète pas pour toi. Je m'inquiète pour le réfrigérateur. C'est l'histoire d'une superstar montante appelée Roger Rabbit et d'un détective privé sur le déclin. Il reste dehors. Appelé Eddie Valiant. Ouga Bouga. Chaque moment passé ensemble est une nouvelle mésaventure. Casse-moi, Eddie. Je t'en prie. C'est un film sur l'amitié. Alors, non, calme-toi, veux-tu. On s'en prie, Eddie. Ne faites pas peur. Tu fais une grande erreur. L'amour. La compassion. Oui, bon, ben, je suis désolé de t'avoir tiré les oreilles. Pour toutes les fois où tu m'as tiré les oreilles. Le meurtre. Marvin Acme. C'est le lapin qui l'a buté hier soir. N'oublie pas que tu m'as jamais vu. Le sexe. Je ferais n'importe quoi pour mon mari, Monsieur Valiant. N'importe quoi. Et la violence. Ah c'est Toons. Il se faut avoir à chaque fois. Vous n'avez pas idée de l'endroit où peut se trouver ce lapin? Lui, c'était un fou des lapins. Toons s'est aperçu comme des couches de la veille. C'est une comédie un peu différente de toutes les autres. Je suis un cochon. Je suis un Toon. Je suis pas mauvaise. J'ai été dessinée comme ça. Dis-moi, Eddie, T'as un lapin sous le manteau, c'est la joie de me revoir. Touchstone Pictures et Steven Spielberg présentent un film de Robert Zemeckis. Nous, les Toons, on fait des idioties, mais on n'est pas stupides. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Chef d'œuvre. Ah, ouais, là, pour le coup, validé. Culte. Pour le coup, c'est voilà, vraiment un conseil avec des enfants, même sans enfants, franchement. Oui. Ah, ouais. Je crois que je le regarde une fois par an, le film minimum. J'aime toujours autant. Et comme un con, j'ai acheté la version collector, juste pour avoir l'attraction de Disney Tokyo. Il y a la visite de l'attraction Roger Rabbit de Disney Tokyo dans le DVD de collector. D'accord. Mais c'est con d'acheter un DVD collector pour ça, puisque c'est aussi sur YouTube. Ouais, mais il est à toi. Mais par contre, sur le collector, il y a tout le making-of qui est absolument exceptionnel. De voir comment ça a été fait, c'est un truc de dingue. C'est un putain de tour de force, ce film. Ça a pris combien de temps pour faire le film ? Je crois que plus de 2 ans. Storyboard, 3 ou 4 fois chaque scène, plus le montage, plus tout le plus reste. Plus les dessins, les animateurs. Les dessins. Mmh. Ah, ça, je crois que c'était fait en parallèle. Tout pareil. Oui, c'est du travail aussi. Ah oui, c'est du travail, oui, bien sûr. Je crois qu'on verra jamais un film comme ça, en plus, sans vouloir plomber le débat. On est plus en une époque où on essaie de faire du beau et du... C'est pas une question d'essayer de faire du beau, c'est juste que tu dis je peux faire la même chose avec des CGI, je le fais en CGI. Mais du compliqué, en fait, du c'est ça, c'est visuellement clair, c'est vraiment recherché, truc, quoi. Ouais. C'est vraiment recherché. Non, maintenant, tout ce qu'on cherche, c'est les grands noms qui sont à l'affiche pour faire rentrer du monde dans les salles de cinéma. Non, mais même pas que ça, mais c'est vrai que tu dis, si tiens, ça, je peux le faire avec du fond vert et du CGI, plutôt que de mettre 3 millions dans un décor... Plus de 10 millions à faire 4 fois la prise parce que ça va coûter cher, faut pas se mentir. Parce que maintenant on sort la date avant. Oui, il y a ça aussi. Oui, on sort la date du film avant que le mec, après il se presse. Enfin, le truc qui prouve quand même que l'expérience est très concluante, mais qu'ils se sont rendus compte que c'est un travail de dingue, c'est que Spielberg s'en est jamais servi pour faire autre chose derrière. Mm. Alors que par contre, quand ils ont lancé le motion capture, c'est Zemeckis qui a essuyé les plâtres avec Beowulf et le Pôle Express pour que Spielberg derrière puisse faire son Tintin. Mais là, Spielberg s'en est servi. Alors que là, ce système-là, Spielberg, il l'a jamais repris. Hein. Il s'est dit 2 ans et demi pour un film. Quelque part, il l'a jamais repris. Mais en même temps, je pense qu'avec ça, il n'avait plus rien à prouver, en fait. Ouais, peut-être que Zemeckis y est un peu mis profond sur ce côté-là. Mais. Si, y a un film où il y a une prouesse. Je trouve que c'est en. Moi, c'est le premier 3D qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est Avatar. Parce qu'il y a vraiment. C'est une prouesse technique, quoi, vraiment. Ah oui, en termes de prouesse technique. En termes de technique. Oui, mais là, je parlais de Spielberg parce que c'est lui qui produisait le film de Zemeckis et que son truc à l'époque, Spielberg, c'était de produire les films de Zemeckis et de lui dire tiens, teste cette technique-là que je vois si c'est jouable. Mais du coup, ils l'ont fait, donc c'est possiblement. Oui, c'est possible. Mais là, Spielberg s'est rendu compte que c'était un enfer. Apparemment, le tournage a été un enfer quand même. C'était ultra. C'est pour ça qu'il a conseillé à celui qui a fait. C'est marqué, quoi. Space Jam de ne pas faire les mêmes erreurs que lui. Voilà. Il en a fait des pires. Du coup, il aurait dû lui dire, fais pas ça non plus. Voilà. Parce qu'on va au cinéma aussi pour voir. C'est un spectacle. Ah bah oui, c'est si sûr. Si c'est pour plus regarder. Enfin, il y a plein de films, tu les regardes chez toi, c'est pareil quoi. Oui, bah oui, ça. Le cinéma, c'est vraiment pour voir du spectacle. Ah bah oui, ça, je suis d'accord. Des prouesses quoi. Ouais, maintenant, il y a plus beaucoup de prouesses. Fond vert, un peu d'effets spéciaux, une petite bagounette et hop, c'est bon. Si, il y a du 4D là encore. Enfin, il y a quelques salles en 4D. Ouais, mais regarde les films en 4D, il y avait quoi? Il y avait The Meg. Il y a En Eau Trouble aussi, je crois qu'il y a. Oui, En Eau Trouble, c'est ça, The Meg. Ah oui, pardon. The Meg, oui. Non, mais après, voilà, c'est pas les. Non, maintenant, si on veut des presses, faut regarder des pornos, c'est tout. Là, t'as des presses physiques au moins. Oui. Ah non, bah Julien est pas là, j'essaie de le remplacer. Excusez-moi, je fais ce que je peux. Non, j'ai pas l'esprit de Julien pour ça. Non, laisse tomber. Julien, c'est Julien. Non, sans Julien, on est monté en gamme, je trouve. Hein, ce monsieur. Heureusement qu'il n'était pas là, parce que déjà, sans Julien, on est monté, t'aurais coupé la parole. Bah, disons qu'on tombe moins bas sans Julien. On va peut-être pas le faire revenir. Qui sait qui lui pète un genou pour la prochaine fois? Chacun notre tour. On va casser quelque chose. Mais il a que 2 genoux, hein. Déjà, moi, ça fait longtemps que je lui casse les couilles. Hein. Oh, un bras, un genou. Il a que 2 couilles aussi. Il a que 2 couilles. Allez, 2 coups de marteau, on n'en parle plus. Oh. Bon, et eh ben ok, on a fait le tour, je pense, pour les films familiaux. Alors, on va peut-être se faire une petite série de recours, on va essayer de mettre ça en place. Oui. Ah oui, oui. Oui. Bah oui, oui. Ah, c'est la nouveauté. Oui, bah c'est la nouveauté, monsieur, on se renouvelle. Nouveau matériel. Voilà, tiens, Julien, d'ailleurs, c'est un retour de karma. Il avait pas voulu la faire, sa reco. Il s'est pété le genou. Voilà. Bon, alors, qui c'est qui a commencé la reco? Bah ça, Raph, tu te sens bien chaud? On m'a demandé de faire une recommandation, voilà. Musique. Moi, j'ai pensé, vu que c'était films familiaux, de... Déjà, vous devez peut-être savoir, et du coup d'évoquer les films Ghibli, du studio Ghibli, du coup qui sont quand même des films familiaux vu que par excellence et haut de gamme et au très haut de gamme des films d'animation, c'est le plus grand studio japonais de long métrage d'animation, et du coup qui ont des musiques exceptionnelles composées par quelqu'un. Joe Hisaishi. Et j'en parle parce qu'ils sont disponibles sur Netflix désormais. Depuis le début du mois, t'as une bonne partie, 5 ou 6 qui sont disponibles ce mois-ci. T'en auras autant le mois prochain et la fin du catalogue en avril. Sinon, ils sont tous disponibles en DVD aussi. Ou non, là, 2 ou 3 inédits qui sont pas sortis avec la VF. Je crois que c'est le 4 et le. Les mains. Je sais qu'il y en a 2 qui sont jamais sortis en France avec la VF. D'accord, et qui seront là sur Netflix. Qui sont sur Netflix. Ah, ok. Du coup, oui, ils sont disponibles en DVD, c'est mignon, mais la plupart des gens ont Netflix maintenant, donc c'est sympa d'avoir ça dans l'abonnement. C'est vrai que dans l'abonnement, c'est sympa, mais bon. Surtout que sur Netflix, j'ai regardé, il y a une section jeunesse, mais c'est pas ouf non plus. C'est beaucoup de trucs un peu nazes, de dessins animés un peu pourris, ou de vieilles séries un peu façon Disney Channel, ça se passe pas ouf. Il y a pas, évidemment, ils sont pas associés à Disney, encore moins maintenant que... Encore moins maintenant que Disney Plus vient de sortir, leur service de streaming. Par contre, Disney Plus, hein, pas Netflix, oui. Disney Plus. Bah, quand t'as les enfants, c'est pas mal, quoi, mais après, c'est vrai que là-dessus, c'était un peu la grosse faiblesse, je trouve, de Netflix. Et là, du coup, avoir tout le catalogue Ghibli qui arrive, c'est génial. Et du coup, le rapport avec la musique, bah, du coup, c'est parce qu'il y a quand même des super... bon son à chaque film du studio Ghibli, et je suis tombé sur la réseau sur un duo parisien qui s'appelle Owaru, O-W-A-R-U, qui fait des reprises piano, flûte traversière, des thèmes notamment du film Ghibli, mais aussi d'autres thèmes d'animation, qui se produisent en concert à Paris, et ils ont un Facebook et un Insta, donc Owaru, O-W-A-R-U. Tu m'enverras un lien YouTube que je mettrai avec les commentaires. S'il te plaît. Mais bien entendu. Ah mais ça j'aurais coupé, hein, t'étais pas obligé de faire ta mode chaudasse. Stuart. Ouais. Émilie, tu nous fais la recommandation suivante ? Oui, alors donc moi c'est une expo, c'est une salle d'expo qui se trouve dans le 11e, on peut y aller en famille justement. Ça s'appelle l'Atelier des Lumières et ça a ouvert très récemment et ça a commencé avec l'expo de Klimt. Et en fait, voilà, j'y suis allée avec une de mes meilleures amies. Et c'est un endroit magique parce qu'en fait, ils projettent toutes les œuvres du sol au plafond. Enfin, on est carrément immergé dans les œuvres. Et on peut... c'est pas très grand, au final, mais on peut déambuler, on peut... On s'assoit, enfin, je veux dire, c'est une expo immersive, quoi. Enfin, ouais. C'est vraiment... Et là, je crois qu'il y a Van Gogh en ce moment. Ça vient de finir et c'est autour de Monet, mais pas que. D'accord. Les impressionnistes, alors, du coup. Oui, c'est oui, parce qu'il y a Monet, Renoir, Chagall. Je veux dire n'importe quoi. Il y a une thématique autour de quelques peintres. Parce que c'est la thématique du sujet, je crois. Alors attends, je vais regarder directement. Mais en effet, moi je suis allé il y a 2 mois voir Van Gogh, et en plus il y avait un tout sur le Japon, c'était pas mal. Ouais. C'est avec des décors traditionnels du Japon. Et ce qui est intéressant, c'est outre le fait de projeter partout, et ils projettent pas forcément les mêmes parties des tableaux selon les endroits, donc c'est en effet intéressant de se balader. Mais en plus, il y a plusieurs installations, il y a une cabine avec des miroirs de partout, donc déjà t'as d'autres perceptions. À un moment, il y a une sorte de puis avec de l'eau, donc c'est pareil, t'as la projection sur l'eau, ça fait avoir des effets différents. Je trouve quand on est... T'as l'étage aussi, t'as une mezzanine, tu vois tout l'ensemble, ça fait carrément autre chose. C'est magnifique. Ouais, selon, en fait, t'as des tonnes de points de vue, puis en plus, c'est la numérisation genre ultra HD de malade, tu vois des détails, des tableaux et autres. Qu'on ne voit pas quand on va dans un musée. Tu ne vois pas quand tu vois une toile, les coups de pinceau, la texture, c'est le truc de malade. Exactement. Et il y a la musique qui va avec, justement, enfin, il y a toute une ambiance... C'est des œuvres qui sont créées pour ce statut. Exactement. C'est génial, ouais. Et du coup, en fait, moi, quand je suis allée voir Klimt, en fait, il y avait quand même une rétrospective des impressionnistes, de l'art... c'était un peu... la rétrospective. C'était pas que Klimt, c'était pas centré que Klimt, mais c'était l'ouverture. C'était l'ouverture et... Je le conseille parce que quand quand on est un peu même novice et qu'on n'a pas trop envie de se déplacer dans un musée classique genre Orsay, Centre Pompidou, etc. Là, ça, il y a un truc qui change. Et avec les enfants, c'est très bien. La peinture, en effet, moi j'aimerais mes parents aussi. Je pense que c'est une autre façon de voir la peinture, plus ludique, en effet. Donc vous allez voir l'atelier des Lumières, dans le 11e. Voilà. Ok. Bah, merci. De rien. Donc, on ira dans le 11e à l'atelier des Lumières. Ouais. Héloïse, qu'est-ce que tu as à nous recommander, toi ? J'étais censée recommander la littérature. J'ai fait ma mauvaise élève. Je n'ai pas pris le temps de regarder. Bon, bah, tant pis. Pas de livres familiaux, voilà. Mais du coup, pour rebondir sur ce qu'il disait par rapport au film de chez Ghibli, effectivement, il y a une excellente... les versions instrumentales, elles sont énormes. Les films de Ghibli, c'est juste ça transporte. Il n'y a même plus besoin de voir l'image. Au final, t'as juste avec la musique, t'arrives à être transporté dans un endroit, mais c'est incroyable. Moi, par exemple, je me suis acheté les bandes-son de... Ah, comment elle s'appelle ? Princesse Mononoke et Totoro. Mais c'est dépaysement total, quoi. Juste, tu fermes les yeux et t'es transporté. Tout simplement. D'accord. Merci. Donc finalement, tu parles mieux de musique que Raph. Non, j'ai qu'à apprécier. Bah, Raph, il a parlé de Ghibli, hein, plus que de musique. Oui, bah, du coup, c'était assez inspirant, je trouvais. Donc, moi, je me suis dit, bon. Tiens, bah... Tout le monde est contre toi. Bah, j'ai pas dit que c'était contre moi, juste dit qu'elle avait plus parlé de musique que toi. C'est un autre point de vue. Parce que pour être une fan de Totoro et pareil, avoir déglingué le DVD, c'est une musique qui est très parlante en fait. Elle rend tellement. Enfin, elle illustre extrêmement bien l'histoire. Il y a de la douceur, un petit peu de. Parfois un tout petit peu de frayeur et des choses comme ça quoi. Enfin, c'est très con ce que je dis, oui, même. Mais. Non, on n'a rien dit là. Ça passe. Bah oui, ça passe. Ça passe comme un fil à couper le beurre. Ok, mais c'est pas grave si t'avais pas de livre à recommander. Bon, bah là, comme ça, y a rien qui m'était venu à l'idée, donc j'ai pas pris le temps de regarder. Non, c'est pas grave. Moi, toi, Aurélie, t'as quelque chose à nous recommander en dernière minute ? En dernière minute, tout comme toujours, je vais parler de Trollhunter, la série qui est produite par DreamWorks et aussi par Del Toro. Ouais, excusez-moi, je suis fatigué. Voilà, il y a 3 saisons, c'est sur Netflix, c'est super bien. Ah, Netflix ? Ah, Netflix encore ? Ouais, ça passe aussi sur Gulli. Ah, voilà. Gulli, on a. Gulli, ça me parle. Et du coup, moi, je devais faire des recommandations jeux vidéo, alors j'en ferai une rapide. Par exemple, moi, j'ai découvert récemment Portal, et Portal en famille, ça passe bien. C'est pas violent, les petits, moi, ils ont intéressé, et j'ai même fini avec Emilie à côté de moi, qui a regardé la fin quand même. Donc Portal, ça marche bien. Portal 2 ou Portal 1 ? Portal 1. Ouais, c'est vraiment Portal un 1. Univers... ça change. Ouais, ça change. C'est pas violent, ça fait un peu réfléchir, enfin oui. Beaucoup réfléchir. Ça fait le casse-tête, quoi. J'ai pesé l'équipe, c'est sur quoi ? Sur PS... 360. Sur Xbox 360, mais je crois que c'est aussi sur PS3. Ok. Et sur PC, forcément. On sait pas trop où on est, mais c'est assez clinique, enfin... Au début, ouais. Après, ouais. Voilà. Après, ça se termine en 2 heures, donc je pense que même Joseph, dans 2-3 ans, il pourra s'y essayer assez facilement. Mais ça fait réfléchir, ouais, c'est des casse-têtes, quoi. Ouais. Mais sinon, je voulais plutôt faire une petite reco rapide de podcast, hein, quitte à se concurrencer. J'ai découvert récemment une appli d'histoire pour enfants ou de contes qui s'appelle Je compte jusqu'à toi, et qui est vraiment fait bah, justement pour les enfants, mais que les adultes peuvent écouter aussi assez agréablement, donc moi, je conseillerais plutôt ça. Voilà. Donc pareil, je mettrai le lien en commentaire pour retrouver Je compte jusqu'à toi. Rebondir sur ton histoire de jeux vidéo. Vas-y, rebondis. On reste dans la thématique de Flubber. Je travaille sur les autres sujets, mais pas sur le mien. Sur le podcast à ce mois-ci. Bon, il est moins long que d'habitude. Le Pokémon. Ah oui, Pokémon, c'est pas bête. Ça, je joue les miens, parce que je pense qu'il y a des papas qui doivent être extrêmement fiers de pouvoir expliquer à leurs enfants actuellement qui jouent à Pokémon de dire « Ah oui, mais tu sais, lui, il évolue comme ça, tu peux l'avoir comme ça. » Des conneries, quoi. Combien de fois je vois des parents jouer avec leur gosse à Pokémon dans la rue dehors ? Ouais, bah moi des fois j'emmène Jojo jouer à Pokémon Go dehors, c'est vrai. Ça existe toujours, ça m'en parle. Nous on a joué aussi à Cabourg, je trouve. On a joué une fois à Cabourg, mais c'est vrai que c'est sympa. En plus, t'as des petits points de repère culture, pour les villes à côté. Ouais, voilà. Culturel, ouais. Ah, et c'est con, mais à un moment j'avais vu sur Pinterest ces petites conneries qui passent là. Il y a une gamine qui demandait à son papa, il dit « Papa, tu connais Pokémon ?» Et ça disait que le père était fier et heureux comme un paon de montrer ses vieilles cartes Pokémon à sa petite fille. Ah ouais, c'est logique. Bien sûr. C'est trop mignon. Mmh. Ouais, c'est vrai, Pokémon, ça marche bien. Bonne idée. Ok, bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour les films familiaux et tout ça. Le mois prochain, donc, ce sera... Ah oui, attendez, stop ouais. Non, on n'a pas fini avec les films familiaux. J'ai eu Le Corbeau en invité qui m'a parlé de Taram et le Chaudron Magique. Est-ce que vous, vous l'avez vu ou ce que vous en avez pensé? Pas vu. Souvenir d'enfance. Que c'était un peu noir. Ouais. Alors les souvenirs d'enfance font que c'était un peu noir, mais quand tu le revois, tu dirais c'est un peu. Il y a les squelettes là qu'il y avait. Ouais. Il y avait une chauve-souris qui parle ou. Une espèce de créature rampante. Oui, c'est pas tout à fait une chauve-souris, mais ouais. Qui la chauve-souris qui parle, c'est dans Anastasia. Oui. Non, ça j'ai pas vu. Eh non, c'est pas ça. Non mais oui, ça m'a un peu choqué parce quelque chose que bah oui, à la fin t'as toute l'armée des morts qui sort du chaudron et en plus techniquement c'est très bien fait. Je crois que c'est sur 3 ou 4 calques et ça fait vraiment un effet assez saisissant. À l'époque, parce que là Joseph il l'a vu avec moi et il s'est fait chier tout le long du film. Non, parce qu'il n'y avait pas de musique, c'est pour ça. Non, non, il n'aime pas spécialement la musique non plus. Même s'il a bien aimé La Reine des Neiges, le reste des musiques, ça l'a pas. Ouais, bon, La Reine des Neiges, je chante trop. Non, Taram, moi. Mais Taram, pas... ça ne l'a pas branché. Il l'a suivi quand même jusqu'au bout, il n'a pas décroché, mais il n'en a pas tiré grand chose, quoi. Ce traumatisme des gens qui courent après un petit cochon qui n'a rien demandé. Il y a ça aussi. Ouais, mais il y en a, ils courent après pour le sauver, et puis d'autres, c'est même pas pour le bouffer. Ouais, ouais, mais. Ouais. J'ai jamais entendu un cochon qui gueule parce qu'il se fait poursuivre. Ça risque un peu longué. Vous avez connu Fievel? Oui, Fievel au Far West. Ah, c'est ça, il y en a un qui est disponible sur Netflix, j'en ai parlé autour de moi, j'ai dit, comment ça, Fievel? Fievel, et je crois bien que c'était les premiers. C'est Don Bluth. C'est Don Bluth. Je crois que c'était les premiers films d'animation produits par Spielberg, par DreamWorks, c'est ce que j'ai. Je connais pas. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était les tout premiers. C'était pas DreamWorks d'ailleurs à l'époque. Comme Anastasia, c'était la Fox. C'est la Fox, Anastasia. C'est pas un Disney. Là maintenant, peut-être. Non, non, non. Ah bah oui, bah si, oui. Exact. C'est sorti en quelle année, ça, Fievel? Fievel, j'avais 90, ouais. 92, peut-être. Oui, début 90. Ouais. 93, 92, tout comme ça. Il y a deux suites. Je crois qu'il était sorti. Il est en Amérique, au Far West. Et après, t'as les TV. Et je me dirais, sorti un nombre ou deux avant Jurassic Park, mais alors là, c'est des souvenirs d'affiches de cinéma, il faut que j'essaie de situer, tu vois. C'est Fievel aussi qui est un très bon, c'est très bon film. C'est écrit comment, Fievel? Ah non, c'est le Nouveau Monde, le premier, c'est 86. Hein. 86 oui. Oh. Au Far West, 91. Ah là, c'est au Far West, moi, l'affiche qu'il y avait au cinéma, et parce que Jurassic Park, c'est 86. Et après, c'est la série. Il y a une série, après, il y a un téléfilm. Et après, il y a d'autres films. Trésor perdu, Mystère du monstre de nuit, ça, je connais pas. Je pense qu'il y avait trois films d'anciens noms, c'est Nouveau Monde ou Far West. Mais ouais, Fievel, c'était bien chouette. Bah du coup, merci pour ta mais le chaudron magique, pour cette belle chronique. Non, bah par contre, j'en parle pendant 20 minutes avec Le Corbeau, voilà. Ça sera probablement diffusé avant cet épisode-là, mais voilà. Et donc, bon, bah cette fois, on peut clôturer, voilà. Le mois prochain, on fera les dystopies. Faut penser qu'ils nous donnent une liste pour... Oui, on va justement en parler aussi. Donc le mois prochain, on fait les dystopies. Donc l'invité, ce sera... le major de VHS qui parle de Bienvenue à Gattaca avec moi. Et moi, je vais faire Watchmen, Walid. Metropolis, mais de Rintaro et de Katsuro Otomo, le papa d'Akira. Voilà. C'est donc, un remake de... C'est pas un remake, c'est une adaptation du manga du Metropolis de Tezuka. Oui, qui est déjà une adaptation du film Metropolis de Fritz Lang. Oui, tu peux ramer tant que tu veux, ouais. Ça reste un remake. Ok, ouais, j'ai hâte d'entendre ça, ça m'intrigue. Ça. Il y a c'est chouette okay. Aussi, c'est vrai. Okay. Et il est plus accessible que le Metropolis de Fritz Lang. Le Metropolis de Fritz Lang, je l'ai jamais fini. J'ai toujours commencé et je me suis toujours endormi. C'est difficile, mais c'est... Il me passe très très tard. Oui, c'est... mais puis il est très très long et il manque une bobine. Mais bon, voilà, j'aime quand même beaucoup. Ouais. Bon, toi, Emilie, tu nous parleras de quoi? De Soleil Vert, de 73. C'est un réalisateur ? Non, c'est la date de sortie. L'année de la sortie. Oh, je suis chiant, putain. Héloïse, tu nous parleras de quoi, toi ? Moi, ce sera Seven Sisters. D'accord. Raphaël ? Brésil, de Terry Gilliam. Alors, je crois que Julien m'a dit, pour le mois prochain, je prends Nathalie Portman, donc ça devait être V pour Vendetta. Oui, c'est ça. je précise, j'ai voilà, le mois prochain, je prends Portman. J'ai, hein ? Donc, ça devait être bien V pour Vendetta. Et pour le mois de juin, on voudrait vous préparer un spécial les films des poditeurs. Donc si vous voulez nous envoyer une liste de films à regarder On tirera au sort, on ne les regardera pas tous. Hein, déjà, qu'on ne les regarde pas tous là. au moins un. Alors, si vous voulez spécifiquement donner un film à quelqu'un, vous gênez pas pour lui pourrir la gueule. Voilà. Ah, Olivier, hein, le truc le plus moisi que vous avez vu, que c'est vraiment obligé. Et long, long, très long. Ah oui, par contre, j'ai zéro patience. Autant les films moisis, je les supporte, mais j'ai zéro patience. Donc, un film moisi qui dure d'une heure, une heure un dix. Un film ça romantique, va. Hein, j'entends. Parce que les films moisis, alors, vraiment moisis, il aime bien. C'est ça. Je crois que le pire film que j'ai vu, c'est Autant on emporte le vent, j'ai pas supporté. Voilà. Voilà, c'est quelque vrai, chose dans cette veine. La barre voilà. Est haute, là. C'était très très long et c'était très très chiant. Tu as donné une idée aux gens qui n'auraient peut-être pas eu. Voilà. Contre, tu vois, Ginger Denman, j'ai vu le premier et ça dure qu'une heure, donc c'était bien. C'était bien bourré surtout. Bref, donc voilà, si vous avez des idées de films à nous soumettre, eh ben, n'hésitez pas sur Twitter ou Facebook, voire iTunes, si on sait jamais, mais des fois j'allais regarder. Et voilà. C'est on tout. Fera un tirage au sort, chacun prendra. Voilà, on fera un tirage au sort de tous les films quand on arrivera au mois de mai, pour le mois de juin. On fera un tirage au sort, chacun tirera un film, sauf si effectivement certains ont déjà été assignés. Voilà. Alors autant on en parle devant, on peut aussi le laisser à Julien, puisqu'il n'est pas là. Les absents ont toujours tort, hein, c'est ce qu'on dit. Et voilà. Du coup. En prochain, on a les dystopies. Après, on a dit les films de nos années de naissance. Ensuite, on a les plaisirs coupables. Non, pas tous. Le plus proche possible de la date de naissance. Exactement. Moi, c'était le lendemain. Ensuite, on aura les plaisirs coupables. Et ensuite, du coup, les films des poditeurs. Et il nous faudrait un candidat pour les films de l'année de naissance. Pour l'entretien, la petite pastille avec moi. Voilà, les autres, c'est déjà bouclé. Et bien sur ce, moi je vous remercie tous de nous suivre, d'être revenus après autant d'absence. Merci. Et puis on va se dire au mois prochain. Hein. Au mois prochain. Au mois prochain, salut. Ciao, à la prochaine. Merci, au revoir.